tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami, on n'est pas dans la merde. Rien à voir, regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Mais ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du du du li les yo. Tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami, on n'est pas dans la merde. Alors ma jolie, on a le cœur démoli, on est dans sa j'ai esquivé les ennuis. Toute la nuit, j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, on a le cœur démoli. On est dans sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit, j'ai rôdé dans Paris. Avec Magic, Dadju et Darcy. Hey! À l'instant, bienvenue tout le monde. Jusqu'à 23h, ensemble jusqu'à 23h, bonne soirée, merci d'être avec nous. En ce début de semaine, 21h10, on est en direct évidemment avec toute l'équipe. Il y a Tonton Mani qui est avec nous ce soir. Oui. Il y a Alison. Tonton, t'as pas parlé Ah, pardon, non, j'étais, non, trop loin, j'étais trop loin. J'étais trop loin. Parle plus fort. Pardon. Fais pas ton ben, s'il te plaît. Il y a Tonton Mani qui est avec nous. Il y a Jo qui est avec nous. Il y a Alison. Oui. Il y a Tonton. Il y a Tonton. Il y a Tonton Jojo. Il y a Tonton Jojo. Il y a Tonton Jojo. Il y a Tonton Jojo. Il y a Tonton Chonchon. Il y a Jojo qui est avec nous. Ça va bien, Jojo? Gâche pas mon appellation, s'il te plaît. Hein? Gâche pas mon appellation, Tonton. Ouais, c'est bon. Comme un chien. Bon, 21h12, on commence par le coup de gueule de Jojo en ce début d'émission. Ouais. On t'écoute, tu gueules sur quoi ce soir? Sur les gens qui puent. Ça fait du monde. Non, c'est horrible. Alors, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en antenne. Enfin, non, c'est en coulisses. C'est horrible. Tu prends l'ascenseur, tu tombes sur quelqu'un qui pue. Et tu restes bloqué dans l'ascenseur. Bah crois-moi, ça fait drôle. Franchement, ça fait drôle. Tu lui en apnées dans et l'ascenseur. Et en plus, s'il pète en même temps, ça fait encore plus drôle. Ouais. Non, c'est vrai, c'est horrible. Ah, mais là, t'as pas de bol. C'est horrible, les gens qui puent comme ça. Enfin, ah, pourquoi pas. Tu dis ça? C'est que t'as croisé ça sent le vécu, ça. Ah ouais, aujourd'hui, hier. Aujourd'hui. Alors, qui s'est passé? Raconte. À la caisse d'un magasin. Ah bah, c'est toujours dans les magasins. Je ne dirais pas quel magasin. Où ça? Mais il y avait quelqu'un qui, devant moi, qui puait. Ouais. C'était horrible. C'était un clochard. J'ai même cru, bah je sais pas, mais j'ai même cru qu'il avait lâché un P. Tu vois, tu vois, c'est n'importe. Tu vois, un gros prout et en fait voilà, j'avais l'air con, quoi. Ouais, ça puait, quoi. Ça puait. T'étais pressé de passer à la caisse. En plus, quoi. J'ai acheté du déodorant, donc les gens ont peut-être dû croire que c'était moi, quoi. Ouais. Ah bravo. Ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un qui pue comme ça? Bah ouais, souvent c'est dans les magasins, les lieux publics, hein, qui sont. Mais j'aime bien, c'est qu'ils sont à l'aise, quoi. Tout le monde les sent, mais eux, ils sont. Ouais, c'est vrai. Ils sont bien, quoi. Bah son odeur personnelle, on la supporte un peu plus, hein. Ouais, normal, mais tu le vois que tu sens, quoi. Bah non, quelqu'un qui pue, regarde quand tu vas lâcher un P. Ouais. Tu supportes plus facilement ton odeur que Ah oui, mais c'est normal. Bah, ouais, bah, eux, c'est pareil. Non, mais moi, limite, je lâche un peu, je suis fier. Quoi. Ouais. Bon. Ouais. J'aurais peut-être pas dû parler de ce. Toi, tu vas lâcher un peu, il est fier. Ça vous est jamais arrivé, ça, d'arriver d'un truc super sérieux, genre une administration, etc. T'as envie de larguer une caisse et tu te retiens à mort pour pas ouais, la larguer, pour pas que ça évite de faire le bruit. Ça vous est déjà arrivé, Jojo? Non, moi, c'est un silencieux. Et les silencieux, franchement, bah, ça pue. Ouais. Dans, c'est le bureau de ma directrice, j'étais installé à côté d'elle et on regardait les comptes. Et j'ai lâché un silencieux et l'odeur, c'était horrible. Et dans ces cas-là, t'es tellement gêné que tu dis putain, ça pue dans la pièce. Non, non, je me suis barré. Pas de vente. Il faut faire attention, hein, si tu te retiens un peu trop, ça va couler dans les chaussettes après. Donc, Ouais, bravo. Ça, c'est dégueulasse. C'était déjà arrivé, toi De couler dans les chaussettes, qui... non. Non, de croiser des gens qui puent. De croiser des gens qui puent, ouais, oui, tous les jours. Hein. Ah ouais. On habite dans un coin assez peuplé de ces. C'est vrai que Totomani, il habite dans un immeuble où. Il habite. Avec ouais, avec des gens qui sont un peu. Oh non, non, pas spécialement dans un immeuble. Arrête, t'es grand. C'est les cas sociaux qui habitent dans ton immeuble. Comme 97% des Calaisiens. Sauf nous. Ouais, sauf moi, j'habite pas dans un immeuble. Moi, je me sens pas concerné, je suis pas de Calais. Il va recommencer. Ça y est, il va faire un bon, bah voilà, si vous avez déjà croisé les gens qui puent, c'est vrai que bah, ça, c'était le coup de gueule de Jojo. Ouais, ouais. Bah, c'est ça un coup de gueule. Puis lavez-vous. Ah, en même temps, sur ce coup-là, on peut être que d'accord avec Jojo. Hein. Bah là, c'est vrai. En même temps, c'est ce qu'on parlait en tête, c'est un peu con parce que le mec il va me dire oh, non, je suis contre, j'aime bien les gens qui puent. Moi qui aime bien faire chez Jojo sur ce coup-là, je vais pas dire écoute, non, moi j'aime bien puer. Non, mais il y a des gens, ils aiment les odeurs corporelles, ça peut arriver. Hein. Ouais, enfin, il y a une différence entre sentir sentir caca et sentir le fauve. Tu peux tomber une personne qui aime l'odeur de transpiration, mais bon, pas à outrance non plus. Non, quand tu fais l'amour, c'est pas vraiment, tu pues pas. Ça fait pas ça... Ah, ça dépend, ça dépend. Et moi j'ai déjà eu un pote chez moi. Non mais vérité, j'ai déjà eu un pote chez moi. Un pote ou un plan cul? Qui a un pote, j'ai dit. Un pote chez moi, en fait, il chiait et il fumait une clope dans les chiottes. Et ben l'odeur après, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est un combo. C'est dégueulasse. Tu rentres, t'as envie de dégueuler. Même le Febreze, il passe pas au-dessus. Quoi, quand tu chies et que t'as. Il fumait une clope sur le chiotte, et puis il chie en même temps, quoi. C'était son plaisir. Après, t'as des gens qui lui délivrent. Il y a personne qui remarque qu'il y a des gens chelous. Il y a des potes chelous. Vous en faites partie. Ah, bravo. Y a rien de choquant. Des gens qui aiment bien lire des journaux sur les toilettes. Ça, j'arrive pas à lire des journaux. Vous faites quoi quand vous êtes aux toilettes? Quand vous êtes téléphone. Ouais, le téléphone. Ouais. Non. Moi, le magazine, j'arrive pas à me concentrer en même temps. Moi, c'est café, clope, coca, direct. Un petit Jackie Michel combiné avec la petite crotte. ça passe bien. Hein. Bon, reste avec nous, évidemment. Son de souffle qui se bat dans de moins de 3 minutes. On est là ensemble. N'oubliez pas, ce soir, on appelle les pervers. On aura tout à l'heure les infos insolites. On aura la question du soir. Reste avec nous. Top ou flop aussi également. 21h15, on a ensemble le tout nouveau souffle qui débarque dans moins de 3 minutes. A tout de suite, les amis. Radio Mixfloor. Un max de son dancefloor. Bientôt, la justice aura son chiffre. Les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires. 7 flingues pour un film de légende. Le 28 septembre au cinéma. L'Inox Club, le club de la Côte d'Opale. 3 salles, 3 sons, 3 ambiances. Electro Dance Floor, généraliste, hip-hop, R&B. Vendredi et samedi de minuit à 6h. Gratuit avant 1h. Parking sécurisé. C'est à Gravelines que ça se passe. Autoroute A16, sortie Gravelines. Rendez-vous dès ce week-end dans votre club. Inox Club. Retrouvez l'actu du club sur Facebook Inox Club. Radio Mix Floor. Vous avez toujours été pressé. Bien plus pressé que ça. C'est ça. Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressé que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand? Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas, vous. Accélérez, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la sécurité routière. Radio Mixfloor, un max de son dancefloor. Un max de son dancefloor. Elle me dit qu'elle est fatiguée, elle me dit qu'elle veut tout lâcher, même pas eu le temps de lui expliquer, c'est plus la peine de continuer, mais c'est le temps qui court, court, mais c'est le temps qui court, pour tout ce mal je suis désolé. temps qui court. C'est le temps qui court. C'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Elle m'a fatigué, eh, c'est à cause d'elle que je vais tout lâcher, je sais pas comment lui expliquer, un jour je finirai par me barrer, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court, mais c'est le temps qui court, pour tout ce mal je suis désolé, encore une fois j'ai tout gâché, mais c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, et c'est le temps qui court, et c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court, mais à coup pas. Allez, bonne soirée, le son de souffle à l'instant, 21h20, on est en direct jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous ce soir. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Librantaine sur Radio Mixplore. Merci d'être avec nous, bon courage à tous ceux qui partent travailler, je vois vos messages là, bon courage également à les routiers qui nous écoutent là, il y a pas mal de routiers, ça fait bien plaisir, ils nous écoutent en direct évidemment sur Radio Mixplore. Il y a Tonton Manier qui est avec nous ce soir. Toujours. Il y a Jojo qui est avec nous. Oui. C'est quoi cette tendre réaction? Bah non, c'est parce que j'attends que tu regardes qui. Bah non, parce que j'aime bien faire dans les ordres, j'aime bien vous perturber. On sait qu'on est là. Il y a Jo qui est avec nous ce soir et puis la belle Alison qui est avec nous. T'as dit la belle, hein? Oui. En plus, je vois même pas avec l'écran là. Pourquoi t'as monté l'écran? Pour pas que tu vois la belle. Là, je te vois parce qu'elle est pas grande. Bon, justement, on va parler d'Alison, on va partir du côté des infos insolites. Oui. Alors, je sais pas si vous avez été victime. Ah, t'as rien préparé? C'est tout dans la tête. Ah, bon, ça veut dire qu'elle a rien préparé. C'est tout dans la tête, c'est tout dans le parcours. Ça veut dire qu'elle a rien préparé. Elle a même plus de pause. C'était sérieux les 3 premiers vrai, jours. Elle, je me rappelle comme le téléphone, elle me dit j'ai préparé ma chronique et tout. Autant, j'ai plus rien. Avec deux semaines, il n'y a plus rien du tout. Il est où ton cahier où t'écrivais tout ça? Il est là-bas. Là, en fait, avant, là, elle s'est dit pendant la pub, un fou insolite. Là, tu prépares au lieu de faire tes live vidéos, là, la con, là, sur la route. On en fait plus, on en fait même plus. Pourquoi? Bah, parce qu'on en a plus. Bah, 7ème, c'est pas tété quand même. Tu les as comptés? Bah, c'est normal, il y a que nous qui avons aimé. Parce qu'on était dessus. T'as tous les noms. Vous avez aimé aussi. Jojo Radio Mixplore, Tonton Mania Radio Mixplore, c'est que des Radio Mixplore. Bah, donc on t'écoute, Alison. Oui, donc je disais donc, je sais pas si vous étiez victime d'une arnaque quand vous étiez au collège ou au lycée, qu'il y avait des petits mongols qui vous avaient tapé dessus. Ah, c'est du racket que tu ouais, parles. Voilà. Une arnaque. Non, mais c'est une arnaque. Petit mongol. C'est vrai qu'entre une arnaque et du racket, maman, c'est complètement différent. Maman, Tonton Manier m'a arnaqué. Ah non, mais on s'adapte au public de Calais. N'oubliez pas. C'est public dans toute la France déjà. Alors, ah, mais lui, il va pas commencer comme ça à critiquer les Calaisiens. Parce que moi, je vais sortir du dossier sur le crocodile. Non. Je préfère mettre un petit coup de pression dès le début, comme ça, ça va calmer toutes les ardeurs de chacun. Et moi, je peux témoigner avec. Attends, est-ce qu'on a été victime de raquette? Bon, je me devine une personne. Mais il y a personne qui vous a embêté. J'ai toujours été un enfant modèle. Moi, j'ai été racketteur. Ouais, toi, t'étais genre emmerdé le monde. C'est vrai, en plus, c'était racketteur. T'as déjà raqueté, t'as vu, c'est un salaud de le dire. Genre taper dessus, taper. Bah en fait, ce que je faisais quand j'étais au collège, c'est que je faisais rater le bus aux filles par exemple. Mais ça, c'est drôle. C'est pas du racket ça. Non, non, mais non, t'es emmerdé quoi. Ouais, faisait pire que ça lui. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'ai fait des choses pas très bien mais. Vas-y, bah raconte. Bon, dès la prochaine. Vas-y. Bah, j'ai commencé tout petit en fait. J'ai commencé par voler les pogs là. C'est vrai. Vous avez connu les petits pogs là avec, qu'on avait dans, connu, les, ouais. dans les paquets de chips, etc. Il a volé des pogs. Ouais, bon, j'ai commencé comme ça et puis après, j'ai commencé à voler des crayons. Après, les crayons, c'est après passé le au stylo plume. Et après, les stylo plumes, c'est les passé sur l'argent. Sinon. Ouais, qui vole la neuf, vole la bœuf. Ouais. Exactement, ouais. C'est ça. Bah, après, je me suis calmé. Hein. Ah, t'as volé de l'argent et puis jusqu'au jour, tu t'es fait choper, non? Non, je me suis jamais fait choper, je balançais toujours mes copains. Voler de l'argent carrément? Oh, j'étais une petite putain, ouais. Geoffrey, t'as dû. Non, ça va. Toi, t'es un mec qui était une victime de raquette. Ouais, ça se voit, il a une tête de victime. Non, même pas. Ok, Jojo, peut-être. Nous, on a emmerdé le monde en fait. Ah, ouais, toi t'étais dans le. Nous, c'était surtout à Coubertin, là. On arrivait avec les brodos. Tu balances des lycées, lui. Ah, carrément, moi, je m'en fous. Avec Delphine, une pote. D'ailleurs, elle m'écoute, j'ai fait un gros coucou. On balançait des pichets d'eau. T'as l'écoute, dans la gueule aux autres. Personne ne se fait passer pour le racketteur dans toute la France. Mais... Et donc. Et on balançait des pichets d'eau dans la gueule à ceux qu'on n'avait pas. Non, mais après, si on parle de ça, ça va durer à 10 ans. Ouais. Nous, on mettait des punaises sur les chaises des pros. Ouais, bah ça, on a mis de la pichet. Non, mais c'est pas vraiment du racket, ça, c'est pas, tu vois. Non, c'est faire chez le monde, quoi. Ouais, c'est faire chez le monde. Ouais, mais non, mais je veux dire, vraiment, taper quelqu'un. Moi, j'ai racketté un truc, c'est vraiment la honte de ma vie. En fait, vous voyez, quand on est petit, là, en CP, CE1, on passe un semblant de permis de vélo. Oui. Ouais, en fait, je l'ai raté. J'avais peur de me faire disputer par mes parents, du coup le j'ai volé. Raté ça, quoi. Attends. Il a raté ça. Il savait pas faire le du pire, vélo. C'est que, le pire, c'est que j'ai raté ça parce que je passe au feu rouge. Tout ça. Ils avaient oublié d'enlever les roulettes. Moi, j'ai toujours Il aurait dû lui mettre les roulettes. Racaille passe au feu rouge. Attends, le pire, c'est quoi? C'est que j'avais peur de me faire disputer par mes parents parce que j'avais peur de mes parents. Du coup, j'ai volé une carte à un de mes collègues et j'ai mis du blanco. Sauf que mes parents, ils ont gratté, je me suis fait pécho. Voilà. T'as été puni. L'autre, il a raté un feu rouge en CE. Attends, n'importe quoi. Enfin, bref. Donc, tout ça pour en dire en lycée. Tout ça pour en dire qu'une petite âgée de 13 ans se faisait mais bien taper dessus. La peur au ventre. Par Nicolas. Le pauvre. Excuse-moi, non, mais je parlais du Nicolas en régie. Ouais, ok. Donc, ouais, Et donc elle avait la peur au ventre. Je vais finir ma chronique. Non. Excusez-nous, on parle de caca qu'on connaît, qui passe à Radmix Floor et qui aime beaucoup les gens de petite taille. Les enfants. Enfin, les enfants. Ouais. Ils les adorent. Arrête, ils vont dire, bon, Radmix Floor, c'est des pervers. Non, vas-y, donc tu disais. Ouais, donc, comme je disais, je reviens, elle avait la peur au ventre de rentrer et de ressortir de son établissement. Ouais. Et jusqu'au jour, il y a 120 motards qui l'ont escorté jusqu'à chez elle. Ah oui, je l'ai vu ça. Donc oui, bah franchement, bravo aux motards, parce que déjà 120 motards pour escorter, ils sont pas à côté. Non mais ça c'est quoi, ouais, mais ça c'est bien. Non, les, c'est mecs, bien. Les mecs ils avaient que 5 à foutre, 120 motards pour une non, d'une. Non mais déjà d'une, mais ils l'ont fait une fois, mais je veux dire le lendemain c'est pas pour autant qu'on va pas se faire taper. Si, non, ils l'ont fait pendant 6 mois. Ah les jeux ont vraiment une vie de merde pour faire ça. Non, mais... Ah ils ont fait ça pendant 6 mois. 6 mois et... Et puis au bout de 6 mois elle s'est fait taper. Et elle, non, fait... Et elle est passée de se faire taper par les ailes, elle va se faire violer par les motards. Ah oh là là. Putain, vous aimez les tournantes à Calais. Il nous fait chier. Ah, lui, il nous fait chier à Calais, lui. Attends, on a l'impression qu'il vient du 16e arrondissement, ouais. Monsieur Sarkozy. C'est bon, grand. Hein. Non, mais, non, mais... Ah oui, d'accord, ils ont fait ça pendant 6 mois. Voilà. Et ça a été? Et ça y est. Mais non, mais. Bah, ouais, et voilà. C'est quoi, ils ont fait ça pourquoi? En fait, sur la route, c'est ça? Parce non, faisait... non, mais c'est parce que bah tellement qu'elle était. Non, mais c'est sur la route qu'elle se faisait racketter. La route de l'école. À la sortie ouais, de son école. D'accord, donc école. Les cherchent 120. 120 motards. Bordel. 120 motards. Ouais, c'est vrai qu'après tu vois 120 motards débarquer avec la gamine, t'as envie d'aller. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Ouais, mais au bout de 6 mois aussi. Non, mais il faut le faire. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois déjà, il faut non, le faire. Non, mais les mecs, on se l'a pété, ils ont fait ça, c'est pour une pub, je sais pas. Attends, 120 motards, t'en donnes 2 et puis c'est bon. T'as les mecs, ouais, sont vraiment que ça à foutre. Tu vois 120 motards comme débarquer dans une petite ruelle, quoi. Donc, Ouais, pourquoi petite ruelle? Ouais, puis derrière, la gamine, il faisait plus chier la gamine, mais il faisait chier tous les habitants, et tous les riverains, ils étaient bloqués pendant une demi-heure. Ouais, avec le moto, ouais. Ouais, c'est pas mal. Une autre info? Alors, une autre info, je suppose que vous êtes aussi tous partis en vacances. Non. Non, même pas. Aussi. Aussi, oui. Blague. Donc, dans mon au VVF. Au bout de combien d'heures de route vous allez sur une aire de repos? Hein? Au bout de combien d'heures de route? Bah, nous, c'est tous les 2 heures. Normalement, c'est tous les 2 heures. C'est ce qu'on a fait, nous. Tous les 2 heures. Tous les 2 heures. Il faut respecter, c'est ça. Tous les 2 heures, il faut se reposer sur une aire de route, ne serait-ce que 10 minutes, et faire un petit peu d'étirement. On l'a fait, nous. Pour le bon conseil d'une bonne route. Non, c'est vrai en plus. Non, c'est vrai, c'est ça. Pourquoi je t'ai niqué ta rubrique maintenant? Ah non. Ok, d'accord. Non, non, c'est un couple qui s'arrête juste sur une heure de repos pour faire une pause, hein, comme tout le monde. Et, sauf que... Attends, excuse-moi, je te coupe, parce qu'il y a Quentin de la radio qui nous écoute et qui dit « Je suis flingué parce qu'on a parlé de Nicolas. » Il a dit qu'il connaît Dalida. Dédicace. On va autre chose. Ça va lui faire plaisir s'il écoute. Ouais. Alison. Donc, en fait, le mec est parti sans sa femme. Au bout de 20 km, il s'en a... s'en a aperçu que en fait sa femme était pas à ses côtés. Ça arrive à plein de gens, ça, les trucs comme ça. Non, mais beaucoup les gosses. Au bout de 20 km. Non, mais il l'a fait exprès, il s'est engueulé avec, puis il a dit ouais, vas-y. Il y en a bien qui ont oublié le frein à main sur l'air d'autoroute. Ouais, on avait oublié le frein à main, ouais. Mais ah ouais, d'accord, il a oublié complètement sa femme. Ouais, ah, mon adieu. Bon, mais bon, maintenant elle a pas de portable, la meuf. Bah écoute, après je sais pas, mais apparemment c'est. Eh, pas de téléphone au volant. En fait, il voulait s'en débarrasser, quoi. Ouais, ou pire. Parce qu'au bout de 20 km, franchement, c'est quand même fort. Et maintenant, je vais poser la question, mais comment au bout de 20 km, ah, il s'en est rendu compte, il a fait demi-tour. Ah bah ça. Bah, t'as pas la fin. Bah... Hein. Elle a pas la fin du truc, en fait. Ah, d'accord. Bah après, au bout de 20 km, s'il s'est pas rendu compte que sa femme était là, bon, bah, obligatoirement, il a refait demi-tour, mais après, va pas savoir si la femme elle est encore là, quoi. Bah après c'est pas grave, c'est une aire d'autoroute. Si c'est une aire d'autoroute avec un self et tout, avec un café, ça va. C'est une aire d'autoroute avec un petit sautier. Avec le bon vieux chiotte à la turque. Ouais, putain, des fois ça pue. Ouais, vous avez déjà arrêté dans les aires d'autoroute, c'est même pas entretenu. Tout, Non, moi je m'arrête que là où je vois qu'il y a une station avec, avec l'alimentation, machine à café. Quand j'étais gosse, j'avais tellement pas. Il y avait pas de chiotte sur l'aire d'autoroute, il y avait même pas une chiotte, j'ai du chien dans la pelouse. T'as pris quoi? T'as pris une feuille de bambou pour t'essuyer? Non, j'aurais. Au moins c'est naturel. J'ai pas du tout, j'étais gosse. Non, des fois t'as des aires d'autoroute, c'est vraiment que aires d'autoroute. Ou c'est les bornes nationales, là, c'est les trucs là. Ce qu'il faut faire attention, c'est aux aires où il y a que de la végétation là. Il y a des gens bizarres là-dedans. Où il y a pas de toilettes, rien, c'est que des arbres. Je sais pas si vous voyez les aires que je vous parle. Ouais, les aires genre de aires de pique-nique quoi. Ouais, voilà, les aires de pique-nique là, les aires de pique-nique. Les aires de pique-nique. Pique-nique. C'est bon grand, si tu veux commencer à me reprendre ton émission, on va rien dire pendant 2 heures. Pique-nique quand même. Faut faire attention parce que là, t'enlèves le pic quoi. Il y a des femmes qui proposent des tarifications. Ah oui, d'accord, voilà. Tu vas la vachement renseigner sur le luxe. Mais on m'a déjà raconté plusieurs choses à ce sujet. Ah ouais, il y en a pas près d'ici ou pas? Comment? Il y en a près d'ici ou pas? Kirk m'a les fermé maintenant. Il pose autre chose maintenant. Non, moi c'était près de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. D'accord. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit que t'avais. D'accord, ok. J'avais vu des choses t'avais là-bas. T'avais vu des choses là-bas, ouais. Effectivement, ouais. Mais d'accord. Et tu sais pas, d'ailleurs, je sais pas, vous avez jamais été. Non, je veux dire, vous avez jamais dit ça en montagne, vous êtes aux putes. Mais vous avez déjà vu justement des pics comme ça dans les aires d'autoroute? Des trucs bizarres, des trucs bizarres sur les aires d'autoroute. Bon, au pire, tu vas au Lille, dans le quartier du Vieux Lille, et t'en as. Hein? Oh, elle va donner les endroits. On fréquente pas les quartiers de Lille. Ouais, déjà. Déjà, une rire. Non, jamais, moi. Hein? Jamais. Vous avez jamais vu des trucs bizarres sur les aires d'autoroute? Ouais. Bah, si, déjà, les routiers qui jettent leur pisse dans des bouteilles d'eau, ça va 5 minutes quoi. Ah, je me vise. Ah si, les bouteilles d'eau des routiers, tu vois les bouteilles d'eau toutes jeunes posées à côté de leur camion. C'est leur pisse. En même temps, nous on n'a pas de permis. Ouais, on va pas sur les aires d'autoroute. Lui, la seule sortie qu'il a, c'est sortie Saint-Pierre à pied pour aller au Memphis Coffee. À Guine. Il fait de la pub pour le Memphis Coffee. Il y a McDo à côté. McDo, Quick, KFC. Il prend le bus, lui. Ouais. Le bus. 1 euro pour la guine. Bon, merci d'être avec nous en tout cas jusqu'à 23h, là, 22h, le retour des pervers. Qu'est-ce qu'on aura ce soir? Tiens, ça vous laisse le temps de réfléchir, le temps de la musique. La question du soir, quel est l'endroit insolite où vous avez fait l'amour? T'as beaucoup de sexe ce soir, 21h32. Quel est l'endroit insolite où vous avez fait l'amour? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, rien qu'en regardant les yeux de certains. Même Jojo, je sais pas si tape une barre. Bon, à mon avis, il se passe beaucoup de choses. Restez avec nous jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne, bon début de semaine avec nous. On se fera top ou flop évidemment dans quelques instants. Restez avec nous jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. Bonne soirée, merci d'être avec nous. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent l'engranger. K.O.2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma hurle si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchons dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des vies. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. trop. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. On m'a plus les bitches comme la ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Mais c'est money weed et un tas de blame pro. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Chaque instant, bienvenue tout le monde en direct évidemment jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne, welcome! Jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne sur Radio Mix Floor. En direct évidemment jusqu'à 23h, welcome! Everybody! On est là ensemble, on bouge pas évidemment. Merci d'être sur la, connecté sur la première web Radio Dance Floor de France. On est là ensemble, il y a Jojo qui est avec nous ce soir. Il y a Jo qui est avec nous également. Salut, salut. Il y a Alison qui est avec nous. Salut. Et puis Tonton Manier qui est avec nous. Je pense qu'ils regardent tous mon regard, c'est pour savoir quel, qui va passer en premier. Ah, par contre, après, on peut confondre Jojo et Jo. Confondre moi et quelqu'un d'autre, on connaît quand même notre prénom. C'est la question ce soir. Non, c'est Jojo. C'est Jojo qui a mis le casque de l'armée de terre ce soir. Non, pour dire un petit peu. Les deux. Ce soir, vous avez mis les deux. Oui, c'est mon copilote en fait. Mon copilote. Oh putain, s'ils conduisent un avion. Le bordel, bah quoi. Bordel. On saute sur le parachute en direct, moi direct. Hein, ils sont dans l'avion, moi je prends le parachute. Hein, toi, va sauter à Dunkerque, tu me prends les couilles. qu'est-ce que j'allais dire? On avait parlé de quoi là? J'ai même plus. Ah ouais, quel est l'endroit insolite où vous avez fait l'amour? Je sais pas par qui vous commencez. On va commencer par Alison, tiens. Je me suis fait prendre les chiottes. Les chiottes à la turque. Ah, je me suis fait prendre les chiottes par le pervers. Attends, est-ce que t'as une petite chiotte là? Ah, ouais, j'ai trois doigts. Des gueules dans la chiotte là. Ah, ouais. Ah, moi je préfère notre Bruno maintenant. T'as une super busy. Ça, c'est notre Bruno national là. Non, c'est peut-être trois tours là. Ah, on le sent trois doigts. On se la paiera tout à l'heure, notre Bruno national. Mais avant ça, Alison, quel endroit insolite où tu as fait l'amour? On t'écoute. Les yeux rivés sur toi. Allez. Réfléchis. À la hutte. Ah, putain, quel est l'endroit le pire? À la hutte. À la hutte. Oui, à la hutte. À la hutte. Mais je sais pas. Par contre, il faut dire, parce que les gens nous écoutent dans toute la France, est-ce que les gens, c'est que leur hutte, c'est que dans le nord, non? Peut-être. Bah non, la hutte, c'est les chasseurs. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais à la hutte. Fait prendre par un chasseur. Et à la hutte. On se dirait, tiens, je me suis fait prendre à la halle. À la hutte, quoi. Dans une hutte. Ah, c'était toi le gibier alors. Je t'ai fait tirer comme une chienne. Dans une hutte. Toi, c'est crade en plus. Bah, le plus crade, c'est qu'on l'a fait sur le carrelage. Il n'y avait pas de lit. Hein? Il n'y avait pas de lit, on l'a fait sur le carrelage. Mais c'est qui? C'était un chasseur le mec? C'était mon ex de 6 ans. T'as, en plus, les chasseurs, c'est vraiment un beau pied pervers là. Putain, les chasseurs là, montent une belle cartouche, ça se calme, putain. Henri Canary. Henri Canary, oh, canary là, putain, ça c'est du la poche de charlie là. Ah, putain. C'est quoi ce rire? Il a un rire qui tue. On l'a perdu. Non, c'est parce que. Non, mais toi, ouais, chasseur, mais il était. C'était son ex de 6 ans, il était chasseur? Ouais. Il y avait une boîte un peu comme ça là, il y a un petit peu la palle, putain, un petit peu la brunole, putain. Non. Il buvait un petit peu ta petite chatte là. Il gardait ses bottes ou pas? Il buvait de le croc, il buvait de le croc. Il buvait de le croc là-bas. Il gardait pas ses bottes. De le Steckelenburg, il buvait de le Steckelenburg. Il était avec sa fusée de chasse, d'accord. Et du coup, une soirée, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, une soirée, il a chassé et puis il a dit, dors avec moi pour tenir compagnie. Mais genre, les chasseurs, c'est pas tout, ils sont pas tout seuls. En fait, non. Ça s'est fait prendre le vrai par les chasseurs. Jackie Michel débarque dans une hutte. Merci qui? Alison se fait passer pour une lapine et se fait prendre par six chasseurs. T'as, allez, là, le nom de la rubrique. Vas-y. Et donc il était tout seul? Ouais, non, mais en fait, c'est simple. C'est, il voulait me découvrir sa passion. La baisse ou la chasse? Comment elle a dit ça? Oh, la passion! Montre ma passion, j'ai montré ma belle carabine, la salope! Montre ta belle carabine, viens sous un petit peu la carabine! Ah, je sais pas, moi, si j'ai envie de montrer ma passion à ma copine, elle vient me voir un match de foot. Bah ouais! Je la prends pas dans un vestiaire, quoi! Dans le vestiaire des arbitres! Non, mais c'est vrai, je sais pas, c'est bizarre comme. Ouais, non, ouais. C'est bah, d'où c'est pour ça que t'as pu avec non plus. Bah, d'où l'endroit insolite, non, quoi. Non, c'est... Ah, c'est vrai que c'est un endroit insolite. C'est un endroit insolite, mais peut-être autre part après une hutte. Non. J'avoue que toi, t'as le fond, toi, le hutte, quoi. Le... C'était la boue par terre, non? Non, c'est quand même, il y a un sol, tout ça. Bah, carrelage, ouais, mais c'était du carrelage, mais il n'y avait pas de lit, donc on était sur le carrelage. T'avais du carrelage. T'avais le cul froid alors. Ah, bah, pas qu'un peu. Ah, pourquoi t'étais cul nu sur le carrelage? Cul nu sur le carrelage. Oh, lolo. C'est pas très gêné tout ça. Non. Excusez-moi. Vive les MST. Et après, t'as fait comment pour te laver? Bah, y a, elle a chopé un canard, si non, je suis avec. C'est équipé là-dedans. Attends. Ah, c'est équipé. J'avais mon oncle qui avait une hutte. Il y a un distributeur de capote à côté. Un euro. J'avais mon oncle qui avait une hutte. Il avait juste le truc. Un lit avec un lit qui fait. Il y avait le fusil. Il faisait que ça. Il n'y avait pas de douche ni rien. Non, mais là, il y avait pas beaucoup. Ah, si, il y avait une boîte de cassoulet avec un réchaud. Et si, c'est une hutte de luxe. Madame, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Non, attends. Attends, ça fait baiser dans une hutte de luxe avec du carrelage. Ah ouais, d'accord, il y avait une douche et tout dans la hutte. Oui. Ok, ah ouais, tu pouvais regarder la télé et tout, t'avais une télé et tout. Oui. Ah ouais, d'accord, bah, le gars, en fait, c'est pas de lit, c'est un refuge pour lit. Baiser en fait, c'est pas une hutte. Parce que moi, tu vas dans la hutte déjà, c'est pour te chasser toute la nuit normalement, mais bon. Ouais, bref. Ouais, mais non, après, si en fait, le gars, c'était pas un chasseur, hein, c'était juste chez lui, il mettait chasse et pêche sur TMC. Je chassais pas grand écran. Ah, d'accord. Geoffrey, non, rien de. M'interva. Genre, t'as fait que dans un lit. Eh, chez Croco. T'as fait que dans un lit. Il est encore plus haut. Ça, tu sais pas. Oh, mais j'espère pas savoir. T'as fait que dans un lit. Non, pas dans un lit, mais bon, comme tout le monde, le lit, la voiture. Mais pas rien de tel que la hutte, quoi. Je vois, moi, il y a rien qui me vient comme la hutte. Ah, pourquoi t'as fait toi aussi la hutte? Bah, c'est toi qui l'a mis. Non, mais t'as fait que la voiture. Bah, du classique, quoi. Ouais, vie de merde. Mais après, c'est pas l'endroit que tu le fais, c'est comment que tu le fais qui compte. C'est vraiment ouais, qu'il y a mais vraiment une vie de merde. Hein. Ah, ouais, là, tu nous plombes la rubrique. Ouais. Je leur branle comment tu le fais. Moi, je veux juste avoir un endroit insolite. Il me fait chier, lui, avec ces trucs. Non, mais l'endroit insolite, t'as vraiment fait qu'une voiture. Bah, du classique, hein, excuse-moi. Hein. Oh, bah, c'est pour ça que t'es célibataire. Bon, allez, je joue moi, peut-être. Plusieurs endroits, moi. Hein ? Plusieurs endroits. Oh, bah, je me doute, hein, m'attends, pire. Au théâtre, au théâtre. Hein ? Au théâtre. Au théâtre. Oh, c'était beau. C'était. Sur scène bien. Ou dans les. non, c'était en dessous de la scène du théâtre. Ah, arrête pas dans les trucs, là. Les... Où est-ce qu'il y a l'ascenseur, tu sais, qui font monter tous les. Où il y a les fantômes, là. Où il y a les fantômes. Pendant la pièce ou après ? Bah, entre les deux. Dans l'escalier ? Dans l'entracte. Non, en bas. Hein, tu vois, en bas, là, carrément en dessous, il y a un ascenseur même qui monte sur la scène. D'accord, tu vois, c'est ouais, un gros truc. Bah, là, dans ça, en fait. Ça va, c'était confortable. Ça allait, il y avait un canapé. Ouais. Ouais, ah ouais, d'accord. C'était le canapé qui servait de décor. Et c'était pendant les répètes ou c'était pendant le show? Non, c'était pendant le show. Ah, en haut, c'était le show et toi, t'étais ouais, en voilà. bas. Et en dessous, c'est lui qui était voilà. chaud. Et ah, dans, et ah, dans j'imagine, un... c'est la pièce de théâtre qui, d'un coup, il y a un blanc. Tous tu les ah c'était, imagine, en plus, c'était genre l'orchestre municipal, il jouait du Mozart et en dessous. Ouais, tu l'as fait en rythme avec la pièce ou pas? J'ai envie de chanter. C'était. Attends, tu peux au moins nous dire c'était quel truc au-dessus? C'était quoi, une pièce de théâtre? Non, non, c'était un spectacle que nous on avait fait. Ah bah super. Voilà quoi, en fait. Okay. C'est un spectacle pour enfants. Ça baise. non, pas du tout. Mais ça baise. Non, ça baise dans le milieu du spectacle. Ouais, bah, ça... Et dans un ascenseur. De toute façon, pour réussir, il faut dans le bloc à tonton Manier. Ah. Ouais. T'as déjà baisé dans le. T'as déjà baisé dans l'appart. Non, pas dans l'appart, dans l'ascenseur. Lequel aussi de dans l'ascenseur. Chez mes parents ou de chez moi maintenant? Bah, chez tes parents. Ah ouais. Ouais, dans l'ascenseur. Bah, attends, je passerai plus. Et les gens, ils. Mais il y avait pas d'ascenseur où j'habitais, Jojo. Mais c'est si, c'est à ça côté, que tout à l'heure vous disiez dans les ascenseurs, ça pue. À côté. Ah ouais, voilà quoi. D'accord, ok. Dans des ascenseurs. Ah si, je joue avec qui? Ali a déjà fait les ascenseurs, lui. J'ai déjà parlé dans Zéro Limite. Il est là, Ali, il est venu en touriste ce soir. Il a déjà fait les ascenseurs. Il m'a dit qu'à chaque fois il rappuie sur le bouton pour pas qu'il y ait un mec. Mais c'est bah non, excitant, tu peux ouvrir. Il y a une part d'excitation dedans. Bah dans un train aussi. Ouais. Aussi. Je connais un. Et c'est vrai, non mais. Ouais, dans un train. Pourquoi ouais. il rigole derrière? Parce qu'il a déjà dit. Bah tiens, gars, il y a un mec qui bosse à SNCF. On parle à SNCF tous les jours ici dans cette émission. Vas-y, bah attends, fais-lui parler. Est-ce que t'as déjà vu des trucs? Des trucs. Il fait chier, faut que j'allume ce micro là. Est-ce que t'as déjà vu. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Présente-toi. Je m'appelle Teddy. T'es célibataire. Et tu recherches un plan cul pour ce soir? De quoi? Tu recherches un plan cul pour ce soir? Non, pas du tout. Oh, je sais. Et toi, tu bosses dans SNCF. Est-ce que t'as déjà vu des trucs bizarres dans les trains? Ah bah, j'ai des caméras dans toutes les gares. Hein, donc. Dans les gares? Ah ouais, ouais dans mais les gares, dans le train. Lui, il fait des trucs bizarres, lui. Dans le train, non, pas forcément. On n'a pas de caméra dans le train. Et il est meilleur Jacques Michel. Lui, il fait des trucs bizarres, lui. Je le sais. Il ramassait des morts dans le passé. Ah ouais, non mais ok, l'autre s'est plombé l'ambiance. Ça faisait partie de son boulot aussi. Oh bah super boulot. On le sait, on était là quand il l'a dit. Bah ouais. Ah pardon, excusez-moi de merci. Non mais qu'est-ce que tu vois dans les gares par exemple? Ah bah y en a qui. Est-ce que tu bosses dans les gares de Paris, Lille, Douzain? Alors j'ai fait Paris, j'ai fait Lille, j'ai fait le Touquet, maintenant je suis à Calais. Je me le raconte.fr. Maintenant je suis à Calais, à Calais-Fretin et à Calais-Ville, ouais ça baisse. Et qu'est-ce qui se passe? Non mais où? Ah, dans les escaliers, non, dans les ascenseurs. Ah dans les escaliers, ouais. Mais dans le train. Non dans le train, ça on peut pas le voir, on n'a pas de caméra. D'être accouché, tu te fous de ma gueule? T'as jamais... Ah il s'est passé des trucs dans les trains couchettes. Je suis sûr. Moi j'ai déjà pris le train couchette, hein. Tu peux pas dormir, c'est un simple vitrage, t'entends toute la nuit. C'est vraiment de la merde. Mais train couchette, t'as... Ah il s'est passé des trucs dans les trains couchettes. Bah même dans les TGV, tout ça il se passe des choses. Non mais tu peux pas dormir dans les TGV. Non mais dans les toilettes tu peux quand même. Ah. Tu peux baiser dans les chiottes. Bah vas-y raconte, vas-y vite fait là. Bah quand tu passes et que tu vois deux personnes sortir des toilettes, c'est très bien. Oh ouais, bon, merci, super info, super merci à vous. Mais bon, enfin, tu sais très bien ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui peut aller aider sa copine à vomir parce qu'elle se sent pas bien. Oui, oui, oui. Oh les sous de merde que Manny sortira. On est loin d'être con quand même. Bah bon, t'as arrêté de parler, t'es pas animateur. Mais merci en tout cas. Et tonton, tonton t'as fait. Ouais, tonton. Bah ouais, on a pas parlé de tonton. Ouais, bah moi c'est pas spécialement. Ouais, bah c'est pas spécialement insolite, c'est plutôt drôle en fait. C'était pendant une épreuve du bac. Enfin, c'était pas une épreuve du bac, c'était en fait pour une épreuve, on devait préparer une épreuve de c'était pas de la gymnastique, mais on devait danser. Je sais pas si vous voyez c'est quelle épreuve, je sais plus comment ça s'appelle. GRS, non? Non, pas de la GRS, on devait faire genre des pirouettes, etc. Là. Ouais, de l'échauffement, ouais. Du cirque. Ouais, de la gym ou je sais pas quoi. Et en fait, on faisait des on faisait des répétitions à... et puis on était avec des... on était par deux en fait. Ouais. Et puis on s'est retrouvé à deux pendant midi, de midi à 14h seul dans le gymnase. J'étais en seconde. Et je l'ai fait sur un trampoline. À Coubertin? À Coubertin, oui. Dans la petite salle. Dans un trampoline. Sur un trampoline, parce que dans un trampoline, ça... Ouais, sur un trampoline. Ouais, sur un trampoline. Ah, ça, c'est bien. Pardon. Carrément dans la salle de sport. Il y avait personne, on avait les clés, on a fait fermer. Ah ouais, d'accord, vous avez les clés comme vous, avez les clés comme vous. Les élèves, mal, ont les clés de la salle de sport à Coubertin. Ah oui, bah oui, bah attends, tu sais, le sait, hein. On fait... Non, bah je les ai plus. Hein. Bah si vous nous écoutez, que vous êtes de Coubertin, bah vous savez que sur trampoline de la salle de sport, il s'est passé bouche. Ouais. Non, mais la tâche a été nettoyée. Ah, il rigole derrière, c'est parce qu'à mon avis, vous êtes de Coubertin. Là-bas, ouais. Ah ouais. Bah voilà, vous connaissez. T'as le baisé dans Coubertin. Vous connaissez le trampoline? Ah, vous le connaissez? Bah il connaît, bah Tonton Maillet, possible. C'est moi qui l'ai inauguré. Donc maintenant, quand vous mettez vos pieds nus dessus, faites attention. Où vous avez mis vos pieds, bah ils ont mis l'orbite. Bah ouais. Comme ça, ça et toi clair. Et moi, en endroit insolite, bah ici. Non, mais c'est pas insolite. Ah, il est mort. Dans un canapé rouge, précisément. Non, mais c'est pas. C'est pour ça que les lattes elles sont cassées. Ah, non, bon, putain, il coup, mais... ça, faut expliquer que le canapé machin, c'est Jojo qui l'a pété sur l'enregistrement de la vidéo. Ah oui, exactement. Il s'est jeté mais... comme une merde, il a flingué tous les lattes. Mais vous êtes des gros menteurs parce que c'était déjà flingué avant. Non, c'était flingué. À l'anniversaire de la radio, c'était flingué. Tu m'as cassé. Mais allez vous faire foutre, il y a du scotch. Le départ. Non, moi je n'ai pas de. Non, non. Après, je suis quand j'aime. Là, tu fais une tête à l'heure du bureau. Arrête. C'était toi qui a cassé. Je t'ai pas parlé, toi. Non, tu m'as fait une drôle de tête. Bah oui, je t'ai pas parlé. Non, non. C'est bon, il va pas commencer, hein, lui. Je suis dans une salle de bain. Ça se passait bien jusqu'à présent. Une salle de bain. Ouais, d'accord, super. C'est pas très glorieux, Michon, quoi. Merci, bah Al, tant qu'il est là, vas-y, prends le micro là. Qu'est-ce qui se passe? Al, il va nous dire où c'était son endroit insolite. Eh, je suis là en mode spectateur. Je suis dans la foot, c'est quoi ton endroit insolite? Allez, c'est quoi? Bah, tu le sais très bien. À part l'ascenseur. À part l'ascenseur. Je sais pas, ascenseur. Ah, tu m'as pas dit dans un champ. Personne dans un champ? Si, dans un champ, ouais, mais ouais, c'était pas le top non plus. Ah, quand t'as les gens musqués qui t'arrivent à côté de la tronche. Ah, t'es dit, on l'a parlé jeudi, il l'a fait dans sur la plage. Bah, ah oui, ça, ouais. Il s'est fait suicider dans les dunes. Comme tout le monde. Dans les dunes. Dans les dunes, faut faire attention, mais tout le monde l'a déjà fait. Au moins une petite sucette minimum. À l'hôtel, dans les dunes. Ah bah l'hôtel, bah oui, l'hôtel. Ouais, mais... C'est fait pour ça. Partout, en même temps. Ah, déjà, t'es dit, s'il couche tout court, c'est bien déjà. Ouais, voilà. Mais avec qui, ça c'est la question. Ah ça. T'as le salon, les salons. Bon, reste avec nous en tout cas jusqu'à 23h, Alex Libre Antenne. Merci d'être avec nous. Dans moins de 10 minutes, on se fera notre pervers national qui sera avec nous. Notre Bruno, on l'a rappelé. Vous allez pouvoir l'écouter. Ça, c'est notre. Je sais pas pourquoi, chaud, mais j'adore sa voix. Il est... J'adore sa voix, le mec. Hein. Ah, c'est vraiment la voix, t'as l'impression que c'est fait exprès. Imaginez quand même ma journée à la radio, c'est que ce matin j'ai passé 2 heures à parler sur des forums et des chats de cul pour essayer de chauffer des pervers. Et cet après-midi j'ai monté tous les sons comme ça. Ah, imaginez ma journée, comment c'est résumé chez Remix Floor. Bah, bref, reste avec nous en tout cas jusqu'à 23h. Alex Libre Antenne, on se fera quoi comme son tout à l'heure? On se fera Ballon de Zolabin, Taon. Ouais. Ça arrive dans moins de 3 minutes. Merci d'être avec nous, ça fait grave plaisir. Très bonne soirée d'ailleurs, vous avez pas été là, mais très bonne soirée en tout cas, Radio Mix Floor, Linux Club ce samedi soir. En

Allez, bonne soirée, le son de Alonso à l'instant. Et Binta, bienvenue. Everybody. On est en direct évidemment jusqu'à 23h. Bon début de semaine avec nous. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Libre Antenne, en tout cas, merci de passer la soirée avec nous. Vous retrouverez évidemment demain le Before avec Kev, notamment à partir de 20h jusqu'à 21h. Demain, il dépassera jusqu'à 21h15 car on démarre un peu plus tard maintenant le mardi. Parce que, excusez-moi, j'arrive un peu plus tard aussi le mardi. Donc, voilà, je peux tromper. Et du coup, je vais arriver à 22h. Je suis à la salle de sport. Ouais, tu joues d'un instrument. Non, mais je fais pas la trompette. Je te vois bien avec une trompette. Et je ne souhaite pas de parler de ça. Il ne regarde personne. On l'a déjà dit en plus. On l'a déjà dit. Ta gueule. La photo, moi je joue de la trompette, je joue pas autre chose. Hein. Enfin, bref, bah moi je joue de la flûte traversière. Mais bien traversière. Je joue surtout du pipeau toi. Vous l'entendez, il y a Tonton Maillet qui est avec nous ce soir. Il y a. Bah vas-y. Ah pardon, oui, bah attends, bah oui, je suis là, oui. Bah, il y a Geoffrey qui est avec nous. Hello. Il y a Alison. Oui. Et il y a Jojo. Il y a moi, nous. Mais il y en a un qui m'a envoyé un message. Là. Avant. Ouais, le Marseillais. Ça y est, il a eu 23 ans, il est content. Ouais, bah qu'est-ce qu'il y a? Bah, il veut qu'on l'appelle. Non, non, ah, non. Ah, oui, c'est son anniversaire, oh non. C'était son anniversaire. Ouais, non, ah, bon, joyeux anniversaire. Les mecs, ils sont contents, leur auditeur, oh non, non. Joyeux anniversaire, suivant. Non, je rigole. Ah, bah, bon anniversaire. Ouais, c'est con, j'ai pas la musique parce que j'ai la flemme de mettre ma main droite, mais. Non, mais parce que j'ai la flemme d'aller jouer là-bas, mais sinon, bon anniversaire à toi, mon pote, hein, ça fait plaisir. C'est vrai, bon anniversaire, c'est vrai. Et vous savez? Non. Que non. Les Français. Attends, que je dis pas de conneries, ça soit pas dans ma rubrique. Les Français sont champions du monde de cache-cache. Ah oui, je l'ai vu ça. Il y a une compétition. C'est Italie. Cache-cache, en fait, c'est une compétition officielle. Et ouais. Les Français, ils ont été champions du monde la semaine dernière. Ça se passait en Italie. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Toi, bien renseigné sur le dos, ça. Ouais, ouais, ouais. Regarde, Alison, prends exemple. Non, mais t'es champion du monde de cache-cache. Putain, mais truc de ouf, en fait, tu dois être galérin, en fait. Si je dis pas de bêtises, c'était une ville en Italie. Ah, c'est dans la ville qu'ils font ça? Ouais, c'est une ville qui est complètement en abandon, qui est devenue carrément une film fantôme, quand tu dirais. Ah, ouais, d'accord, ouais, c'est genre un Far West et tout. C'est un vieux village comme ça, et ils s'en sont servis comme décor pour le cache-cache. Ouais, c'est un bon délire quand même, c'est pas mal. Personnellement, j'aurais préféré qu'on gagne l'Euro 2016, quoi, mais bon. Ouais, parce que ouais, super la France, on est champion du monde de cache-cache. Ouais, c'est la 5 étudiants de la région PACA. Fédération française de cache-cache. C'est les sports insolites, ouais. Et attends, parce qu'on parlait de Pokémon là, justement tout à l'heure. Allez. Oh. Il joue au Pokémon Go et le mec est tombé sur une plantation de cannabis. Par contre, en Autriche. Il y a un truc qui m'énerve par rapport à Pokémon. Je sais pas si vous regardez les 12 coups de midi au midi. Non. Et Jean-Luc Reichmann, il dit toujours quand il y a une bonne réponse, Poké, bonne réponse. Vous avez pas vu ça? Non. De quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, Jean-Luc Reichmann, en ce moment, il a un délire. Oh, il a un peu c'est que quand il y a quelqu'un qui dit une bonne réponse, il fait quoi? Pokébonne. Pokébonne. Ah ouais. Pokébonne. Mais pue la merde. J'ai entendu ça. Non, mais ouais. Non, ouais, j'en ai pas tout ça. Ringard quoi, ringard. Vous savez que Jean-Luc Reichmann, c'est l'un des animateurs les plus payés de France. Et c'est une grosse gueule de con, hein, ce qui paraît. Ah, grave. J'ai non, trois. Bah... Si, j'ai c'est trois. C'est toi qui m'as dit ça, mais moi j'ai su trois... par quelqu'un d'autre qui est venu dans le public et m'ont dit qu'il était sympa. Je connais trois grand-mères qui sont allées. Oui, il est sympa. Et qui se sont fait envoyer bah, chier. Ils m'ont dit qu'il était sympa. Non, il est sympa. Enfin, moi je l'ai vu. Après, ça dépend. Sympa. C'est sûr qu'il peut pas être. Il est sympa. Il est sympa quand il est à l'antenne avec. Ouais, même en antenne, il est sympa. Moi, nous, on l'a vu hors antenne, il était sympa. Ouais. Ouais. Pourquoi le film cette conne? Parce qu'elle est en direct. Merci pour la conne. Ouais, carrément, merci. Pas de soucis. Non, je sais pas, là, comme ça. J'ai pas envie de me retrouver sur les sites un peu olé olé. Hein. Un film érotique, non, il filme sur le corridor. Mais bon, voilà, bref, en tout cas. Donc, il est tombé sur une plantation de cannabis en chanson du Pokémon. Il est arrivé dans une cour privée, puis voilà. Donc, il s'est fait arrêter, ce malheureux. Alors qu'il faisait que chasser des Pokémon. C'était mystère. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Bon, merci d'être avec nous. En tout cas, dans quelques minutes, on se fera l'appel pervers. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la nouvelle rubrique, la top ou flop. Ouais. Je la fais, c'est ma nouvelle rubrique. Vas-y. Attends, en plus j'ai toujours ces trucs en dessous de cette fiche là, pervers Eric grosse bite. Ça m'énerve, ça me trotte ce truc. Top ou flop, YouTube présente Community, son nouveau réseau social. À votre avis, top ou flop? Top. C'est vrai hein, tout ce que je dis hein, c'est pas des flops. Flop. Attends, mais parlez pas tous en même temps, vous entendez flop top flop Jojo. Flop. Pourquoi? Ben non, j'y crois pas. On l'aurait il est sorti, je crois. Je sais pas, j'ai pas été vendu. Ça va faire comme Google Plus, Facebook a imprenable. Et ça fait partie. Non, mais c'est maintenant YouTube, ça fait partie de Google. C'est racheté par Google maintenant, donc c'est YouTube et Google. Ah, d'accord, excusez-moi. Présente Community, ça s'appelle Community. Ils sont pas cassés le cul sur le compte, non déjà. Et donc c'est tout nouveau, ça vient de se lancer. Alison. J'irai pareil que je joue au flop. Ouais. Ouais. Ouais, tant qu'elles sont pas doux, Facebook, ça lui va. Ouais. Geoffrey. Moi je dirais top. Pourquoi? Parce que. T'as envie de nouveauté? Ouais. Ouais, et puis ils se sont déjà plantés il y a peut-être 6 mois, 1 an de ça, quand ils ont lancé YouTube Red, là, le YouTube payant sans les pubs. Bah, tu vois, ils s'en sont tellement plantés que tu vois, t'en as même pas entendu c'était parler. C'était quoi, YouTube réel? Red. C'est-à-dire que c'était un YouTube. Ah, mais direct, quand tu dis Red, Jojo, il avait cette tête. Ouais, mais bon. Tu t'abonnais à YouTube Red et tu te tapais aucune pub. Oh, mais c'est comme les jeux vidéo sur téléphone, tu payes le jeu. Voilà, et voilà. Et tu payes combien? Ah, je me suis pas intéressé, donc ça je sais pas, mais en tout cas, ils se sont. Si c'est genre 1€. Ils se sont bien, bien vautrés avec ça. Hein. Payer alors qu'au bout de 5 secondes, tu peux ignorer l'annonce. Ouais, mais bon. Ouais, mais le mec est tout le temps sur YouTube. Le mec, il passe sa vie, c'est sur YouTube. Ouais, jamais, t'as des mecs. Il y a pas d'abonnement de musique comme Napster, tout ça, qui veut écouter sa musique là-dessus, à un moment donné, ça te fait chier. En tout cas, YouTube, ils doivent se faire des belles couilles en or avec leur pub. Putain. Toi, qu'est-ce que t'en penses sur Flop. Pourquoi? Bon, Facebook est trop devant, c'est pas la peine. Ouais. Non, c'est mort. Qu'est-ce que ça va être le réseau social de demain? Parce que Facebook, dans 10 ans, peut-être que ça ne sera plus. Hein. Ce sera autre chose. Hein. Car on a eu Skyblog, on a eu MSN. Après, enfin, Facebook dure quand même plus longtemps que les autres. Hein. Enfin, c'est vrai que Facebook sont bien partis. Ouais. Et puis, il innove. Ça sort. Ouais. On a eu un autre aussi, mais je n'ai plus le nom. Ah, voilà. Quoi? On avait un autre aussi qu'on pouvait changer, mais je me rappelle plus le nom. Twitter. Non, Twitter, c'est pas pareil. Twitter, c'est pas encore la même chose. Ça marche bien, mais c'est différent. Google Plus, ils ont. Bah, c'est de la merde. Ils se sont cassés la gueule. J'ai jamais regardé ça, Google. Qu'est-ce que tu peux faire en plus que Facebook? Qu'est-ce que c'est le truc? Non, je me suis pas intéressé. C'est comme Facebook en fait. D'accord. Sauf que je crois que tu ajoutes tes correspondants par rapport à l'adresse Gmail, etc. Enfin, c'est bidon, c'est compliqué. C'est un réseau. C'est pour ça qu'ils sont plantés, c'était fort compliqué. Ouais, c'est ça. Mais c'est moche. Pas aussi intuitif que Facebook, donc. C'était moche, t'allais sur les pages, tout était blanc, il y avait rien qui était mis en scène. Bon, c'était plus. C'est pas MySpace que tu cherchais, t'as vu? Ah oui, MySpace. Ouais, j'ai un compte MySpace. Ouais, il est bon, lui. C'est pas encore supprimé, MySpace. Ah, là-dessus, je suis. Niveau geek, ouais, je suis pas mal. Faut rien vous MSN avec le petit toc-toc ou quand ta copine répondait pas. Je sais plus si j'ai. Ou Jojo est en train d'écouter Rihanna. T'as vraiment l'air con, quoi. Jojo est absent, il est parti à la playa. Ça, tu pouvais faire des statuts personnalisés. Toc-toc-toc. Ou le Wiz. Le Wiz, alors. C'était énervant parce que ça faisait bugger l'ordi. Attends, à l'époque c'était Microsoft de 97 donc. Ouais. Attends, je sais pas si j'ai les trucs. Ah ouais, si, attends, j'ai le bruit des messages. Ça va me rappeler des. Oh, c'est à la bonne époque ça. Ah, c'est là que j'ai vu mes premières gougouttes. Ça, on se connectait avec ça, ouais. Ça, le Wiz là. Ah ouais, putain, il y a plein de sons. D'accord, ok. Arrête. C'est... Oh là là. C'est un grand moment d'émotion. Ah, ça je m'en rappelle. L'appel en visio, ça. Ouais, c'est ça. Ah, tu te rappelles, hein? Ah bah ça. La vieille sonnerie de merde. Ouais, pas mal de sons. Ah, si vous avez connu la jeune époque de MSN. Ah, c'est de là où sont partis les LOL, XD, etc. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'était, on parlait Kikou. Cyril Hanouna veut se lancer dans le concours de l'Eurovision cette année. Oui. Top ou flop? Non, mais c'est pas une question. Non, mais. C'est pas une question, c'est sûr. Top. Il veut faire quoi? Il veut le présenter ou chanter? Ils veulent chanter dans l'Eurovision. Il l'a annoncé hier, vendredi, je crois qu'il l'a annoncé. Top ou flop? Top. Pourquoi? Bah parce qu'il l'a annoncé. Mais il est bête, lui. C'est pas vrai ou faux, hein? C'est est-ce que tu crois que ça va marcher ou pas? Bah moi je dis que ça va marcher. Ah mais pourquoi? Bah parce qu'il est fort écouté et je pense que ça va marcher. Enfin il est écouté, mais l'Eurovision t'es écouté par des Suédois. Ouais, c'est pas ça qu'ils connaissent. Pourtant c'est cool. Non, c'est eux qui donnent les points. Je pense qu'il arrivera à faire un peu évoluer. On n'arrive jamais loin à l'Eurovision, on a des bonnes musiques. Je te rappelle que la dernière fois qu'ils ont mis un truc drôle, c'était les moustaches. Ils ont terminé avant-dernier, les mecs. Hein. Donc, non, mais ça, c'était de la merde. Non, mais ça, ouais. Mais par contre, moi, j'ai bien aimé l'année où vous avez fait Jesse Matador. L'Eurovision, ça reste. C'est que des cucus, ça reste sérieux. Et si c'est pas une chanson sérieuse en anglais, parce qu'il faut chanter en anglais déjà l'Eurovision pour gagner. Bah, déjà, c'est nul. Et qu'on m'explique un truc. Pourquoi l'Eurovision, ils mettent des artistes de merde? Et surtout, pourquoi? Pourquoi ils mettent pas, genre, je sais pas moi, des artistes français? Ah, surtout déjà l'année dernière. Bah, si, des artistes sont français, je suis con. Mais des artistes au top de l'actu. Parce que les mecs. Mais parce que les mecs, si tu envoies Christophe Maé là-bas et qu'il se plante à l'Eurovision, il est plus crédible, le bonhomme. Et puis il faut vouloir le faire. Et déjà, tu te retrouves face à The Voice. Il faut vouloir le faire déjà. Parce que c'est la finale de l'Eurovision, ça tombe en même temps que la finale de The Voice. Donc, en termes de. Si c'est pour Christophe Maé, il a 1 million de téléspectateurs. Alors que sur The Voice, il peut en avoir 8 millions pour la finale pour aller chanter. Bah, il est bien quoi. Il est mieux. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu gagnes en fait en étant gagnant de l'Eurovision? Tu gagnes de réaliser ça chez toi l'année prochaine et de payer des milliards. Tu gagnes la possibilité de réaliser ton single dans un studio professionnel. Moi, ce que tu gagnes la popularité quoi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que l'année dernière, à l'Eurovision, ils ont mis une nationalité qui était pas de l'Europe, ils ont mis l'Australie à l'Eurovision. C'était pas un invité ou donné un truc comme ça? Non, ils ont participé au concours. Bon, enfin, c'est nul l'Eurovision. Ouais, ouais, c'est pas bidon. Moi, je m'appelle. C'est Asbin, attends, t'as des mecs qui chantent. Des mecs qui chantent, ils ont une barbe, alors ils font pas raison. Alison, si, top ou flop, Cyril Hanouna? Top. Top, pourquoi? Parce que j'ai dit ça au hasard. Merci. Top ou flop, Jo? Flop. Ah ouais? Ouais. T'aimes pas Cyril Hanouna? Bah, il est bien, mais moi quand je vois au niveau musique tout ce qu'il fait, je trouve ça ringard quoi. Bon, c'est, après faut, c'est pour les jeunes, c'est pas, c'est vrai que c'est vachement un peu débile, mais c'est marrant en fait. Enfin, après, ouais, c'est, après c'est pareil, c'est pour des clientèles jeunes, donc c'est plus le cas pour toi. Mais il, après, il me fait un peu penser à Patrick Sébastien quoi, quand il commence à chanter, voilà quoi, les sardines, les serviettes. Ah, moi, je dirais... ah, faut pas confondre Patrick Sébastien. Moi, je dirais... ah, il faut pas confondre, mais je suis sûr que c'est son Patrick délire. Sébastien, hein, tu vois, Hanouna, comment qu'il, des fois il s'enjaille tout seul sur l'émission, c'est ça. Hein. Ouais. Moi, ah je dirais, bah, moi pour Cyril Hanouna, je dirais flop, mais quitte à vouloir faire quelque chose de drôle, autant envoyer quelqu'un qui sait le faire comme Sébastien Patoche. Sébastien Patoche, il a déjà prouvé qu'il savait faire des choses de merde comme ça. Il a arrêté ça. Ouais, enfin, ça serait mieux parce que Cyril Hanouna. Ouais, non, mais Cyril Hanouna, tu vois, ça, tu vois Zizicopter à. Et toi, tu vois Zizicopter à l'Eurovision. Déjà, il ferait un truc, il parlera pas de Zizi. Bogdanov. Non, mais il ferait un truc, déjà, il parlera pas. Ça va marcher. Tu peux pas à l'Eurovision d'envoyer un gars comme Sébastien Patoche. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher avec les Suédois, ils connaissent pas. Ça a marché, ça a marché. Les Bogdanov, les Anglais connaissent pas. Ça a marché, ça a marché, ça fait même pas 700 000 vues sur YouTube. Qui ça? Bah Bogdanov. Non mais moi je dis pas que ça a marché justement. Très connu non plus. Je dis que c'était bidon justement Bogdanov. Ouais, mais justement c'est les chansons bidon qui. Mais non, forcément il pourra pas parler de cul, donc ça c'est mort. Mais bon après ouais, il faut voir. Mais moi je pense qu'il fait ça c'est pour avoir encore plus de popularité. Ouais, ouais voilà. Je pense. Pour faire un buzz. De toute façon France 2 le mettront pas à l'Eurovision. Tu verras. Mais c'est pas eux qui choisissent. Ah, hein. Si, c'est eux qui choisissent. C'est pas France 2 qui choisit. C'est France 2 qui choisit. C'est sélection. Télé, hein. Non, c'est France 2 qui font la présélection des artistes français. Ils le passent même en direct. Si, c'est France 2 qui fait après, ça. C'est, après, c'est un monde. Après, c'est un monde où tu débourses un chèque. Si Cyril Hanouna, il est quand même voilà, populaire. Hein. Après, s'il arrive à se démerder, enfin, bref, il se démerde, ouais, on la rajoute. La nouvelle émission de Yann Barthès sur TMC, top ou flop? C'est de la merde. C'est la Yann Barthès, c'était le petit journal, ça. C'était le petit journal, c'est pas le frère. Il a lancé sa propre émission sur TMC, là. Pas le frère Fabien? Ben, t'es. Oh, nul à chier, celle-là. Parce que c'est lourd, j'aime bien. Oh, merci, merci. C'est vraiment lourd. Jojo. Il connaît pas. Bof. Non, j'aime pas trop. Avant, il était sur Canal Plus déjà. C'est pas Canal Plus. Non, mais avant, il était sur Canal. Alors, déjà, avant, il va parler d'actu lui. Avant, il était sur Canal Plus. Merci. Je l'aimais pas trop, donc pour moi, ça change rien. Il a son humour en fait. Ouais. Bah, il a son humour. Il se foutait un peu de la gueule du genre. Quand il tournait, il faisait des montages à sa façon. Quoi. Ouais, mais. Il détournait un peu ce qui se passait. Hein. Il a son délire, ouais. Pour moi, ça sera flop parce que sur Canal. Je t'ai pas posé la question. Allison. Vas-y, vas-y. Non, mais là, t'en viens de le réveiller, Allison. Allison. Non, flop. Flop, pourquoi? Parce que copie sur moi. T'as regardé Caca, regardé ou pas? Oui. Moi, j'ai regardé. Et moi, je regardais le petit journal avant, mais ça, il m'intéresse tellement pas que j'ai zappé, quoi. D'accord, mais le petit journal, c'est pas ça aussi. Non, mais c'est Yann Barthès qui faisait le petit journal. Et déjà, à l'époque, j'aimais pas ça. Ah, d'accord, t'aimais pas, ouais. Ok, et toi, Manier? Bah moi justement c'est l'inverse, je l'aimais bien sur le petit journal où il était trash et là j'ai regardé plusieurs fois et c'est tout public, il est moins trash et du coup j'aime pas. Il est toujours sur Canal ou il a changé? Maintenant il est sur la vieille et en fait ils font des trucs, j'ai vu il y a deux mois TMC ou c'est sur TMC. J'ai vu la bande-annonce. Il est bridé beaucoup, quoi, il est bridé. Plus, ouais, c'est pour ça il est que bridé pas. Donc ah ouais. Ça fait partie du groupe TF1. Après t'aimes ou t'aimes pas ce qu'il faisait, mais bon voilà il le faisait, en fait, il était zéro limite, il y allait parce que c'était Canal, mais maintenant ouais sur une chaîne comme ça, je crois que ça appartient à TF1, ça, donc, ouais, ça il doit être bridé. Mais ce que j'aime pas c'est qu'il critiquait la télé poubelle en fait sur Canal+, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement avec son nouvelle émission quoi. Mais en tout cas il est bien content de son chèque parce que je sais pas, j'ai su son salaire. Ah ouais mais bon. Son salaire a évolué x10. Mais le problème c'est qu'il est Cyril Hanouna, il fera pas grand chose. C'est vrai. Niveau horaire, c'est ça, quelle heure? 19h. C'est vrai que Cyril Hanouna là-dessus, il prend les devants quoi. Ouais, c'est mort. C'est très compliqué. Bah, c'est le taulier. Hein. Ah, il veut réagir par rapport à ça. Ouais, mais en même temps, vous parlez de l'émission, mais vous connaissez au moins le nom de l'émission qui présente sur TMC? Non, j'ai pas noté. Je ne sais plus son nom. Non, bah c'est juste la quotidienne en fait. C'est un copier-coller de à peu près Hanouna. C'est quoi, c'est quoi ce chat dans la gorge que tu as? Ah, merci. Excuse-moi, je suis malade. Y a pas de problème, pas de chat. Non, oh, en gros, c'est juste un copier-coller de Cyril Hanouna, mais en un peu plus moins de délire en fait. Donc, avec des chroniqueurs, tout ça quoi. Il y a un ou deux chroniqueurs, ouais, il y en a pas énorme. C'est pas non plus du Cyril Hanouna. Ah, mais ils font beaucoup de vidéos. Ah, bah lui, Barthez, il aime bien tourner tout seul de toute façon. Voilà, il prend vraiment les mêmes sujets qu'Hanouna en fait, mais ça tiendra pas. Et en fait, il a été acheté par TF1 pour pas qu'il vienne sur C8 en fait, avec Hanouna. Ouais. Parce qu'Hanouna avait déjà récupéré, comment il s'appelait, celui qui fait Salut les Terriens là. Thierry Ardisson. Ardisson, qui est en train, c'est nul. En train de c'est... booster à mort la chaîne. Ouais, mais c'est en fait nul. Il est arrivé sur TMC rien que pour ça. C'est nul Thierry Ardisson. C'est génial Thierry Ardisson. T'es malade. Après Thierry Ardisson, même si l'émission est moyen, rien que le fait de ramener Thierry Ardisson, ça ramène. Ça ramène les gens qui le suivent depuis le début. Ça ramène les gens qui le regardaient à l'époque de Tout le monde en parle, etc. C'est du vu archivu quoi. C'est du vu archivu, mais ça marche toujours. Là, la dernière que j'ai regardée, il a clashé les derniers mecs il clash tout le temps. Du gouvernement. Ouais, mais il clash tout le temps. Pas été ouais, ce week-end, il y avait Rachida Dati. Par contre, ça, c'est énorme. Et le mec, il a pas peur de parler, quoi, en fait. Non. Justement, en parlant de vieille émission, il a relancé l'émission là, du Big Deal avec Vincent Lagarde sur C8. Non. C'est en projet. C'est en projet, ouais. C'est un an que c'est en projet, alors. Ah, mais il a plein de projets, mais il le fera pas. Il trouve plus le. Bah, trouve plus Bill. Ouais, ils l'ont perdu. c'était la bonne époque à la télévision, ça, le Big Deal. Oh, ah, hein. Bah, ça marchait à l'époque, mais ça marcherait plus. Ouais, maintenant, ça sera Asbin maintenant. C'est... Non, maintenant, oui. Ouais, voilà. Parce que t'as si. Eh, quoi, tu es non, version 2016 avec un peu plus de technique. Ouais, mais Vincent Lagaffe. Ouais, lui, il n'arrivera pas. Il fait que son sport et il gagne autant de thunes. Ah, mais après, qu'est-ce qu'il. Ouais, mais ce serait pareil, ça sera à quelle heure ça? En fait, c'est ça le problème. Bah, juste avant l'accès, je pense, si c'est sur C8. Bah c'est ça, bah non, parce qu'avant c'est maintenant, parce qu'avant 18-19 avant c'est qu'est-ce qu'il en pense Camille, ouais, quoi. Tu vas voir Charleroi aussi, Charmeroi là. Bah oui, bah c'est Bertrand Charmeroi, c'est ce qu'il faisait avec le maillon faible ou Jacques Courbet, je sais plus quoi. Il faisait ça avant Touche pas à mon sport, à 5h 5h30, voilà. Ouais, enfin, faut aimer, ouais. Bon, merci d'être avec nous en tout cas jusqu'à 23h, c'était le top ou flop. J'ai bien aimé cette nouvelle chronique. Ouais, ouais, sympa. Ouais, ouais, ça débat. Dans quelques instants, on s'appelle le pervers. Ça arrive évidemment dans moins de 3 minutes. Restez avec nous, on se fait le tout nouveau Zara Lanson. Je vous l'avais promis évidemment en début d'émission. J'adore ce son, cette découverte Radio Mix Floor. On l'a découvert même tout à l'heure dans le Before avec Mr. Kevin. Zara Lanson, je dis pas le nom parce que c'est en anglais, je sais pas dire l'anglais. C'est It's My Fault. Donc, je pense que ça se dit comme ça. Bon, bref. Restez avec nous jusqu'à 23h, Alexis Brantaine, welcome. It ain't my fault, you got me so gone. It ain't my fault, I'm not leaving alone. It ain't my fault, you keep turning me on. I can't talk right now, I'm looking at it like what I'm seeing. Got me feeling kinda shocked right now, couldn't stop right now. Even if I wanna, gotta get it where it's at right now. Oh my God, what is it? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can't be responsible if I get you in trouble now. So you're too irresistible, yeah, that's for sure. So if I put your hands where my eyes can't see, then you're the one who's got a hold on me. No, I can't be responsible. It ain't my fault. To be rude, but I look so damn good on ya. Ain't got time right now. Miss me with that, what's your name? Your sign on it. It's out of time. I just called an Uber and it's out of time. Oh my God, what is this? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can't be responsible if I get you in trouble now. Allez, bonne soirée, le tout nouveau Zara Lanson à l'instant en direct jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous. Jusqu'à 23h, Alex Brantaine sur Radio Mix Floor. On est là, on bouge pas. Merci de passer la soirée avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque soir entre 21h et 23h. L'émission s'appelle Alex Libre Antenne. On est là, on est autour d'une table et puis on parle de tout et de n'importe quoi. Il y a Tonton Manny qui est toujours avec nous en direct. Oui. Il y a Jojo qui est avec nous. Oui. Il y a Alison également. Il y a Geoffrey qui est avec nous. Et là, comment lapin. Tout de suite. Oh, lit. Et elle est molle à côté de moi, elle, aujourd'hui. Elle est mou du cul. Elle est mou du cul. Putain, nous a mis la chemise de Stromae. Mais non, allez, c'est reparti. Allez, en direct, évidemment. Ça va être la rubrique sexe de Mister Tonton Manny. Hein, vous l'attendez tous, ouais. Évidemment. La rubrique sexe. Hein. Ah là là. Ah, nouvelle musique. Alors, évidemment, il faut expliquer que depuis qu'on a lancé cette rubrique sexe, il y a un classement qui fait entre les animateurs. Et évidemment, ce classement, j'espère, évidemment, d'ici quelques semaines, on pourra remettre le God d'or. Voilà, évidemment, c'est un peu brutal, mais on peut parler de cul maintenant, il veut 2h15. Le God d'or. Alors, pour l'instant, le God d'or, il est. Mais pour l'instant, Al mène 2 God d'or à 1 face à Ben. Ben, donc 2-1, Ben, pour l'instant, nous n'a pas encore réussi autour de ça. Bah là, il va y avoir un nouveau gagnant ce soir qui va pouvoir se classer. Voilà. Alors, je ne peux pas trop participer parce que je n'ai pas accès à tes fiches, mais j'ai accès à tes fiches, donc je sais un petit peu ce qui se passe, mais c'est entre vous. Bon, voilà, en tout cas, le God d'or sera peut-être dans les mains de quelqu'un ce soir. Enfin, du moins, il va rentrer dans le classement. C'est sûr, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans le classement. Non, mais il va rentrer dans le classement. Il y a 2 points. Il y a 2 points. Donc, Al. Oui, ah ouais, peut-être que si, s'il répond à toutes tes questions. Ouais. Oh, on verra bien. Bon, bref. C'est parti. Juste avant, je fais une petite dédicace à VV et à Ben. Ok, bon, quand tu veux. VV et à Ben. Ouais, VV et à Ben qui m'écoutent, ce sont des amis du football. Ah, ok. Football. Voilà, c'est bien. Faut lancer ta musique là, c'est vrai ? Oui, bah oui, bien sûr. C'est pas je me rappelle même plus de ta chanson. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Tonton Manié, c'est qui ? Tonton Manié, c'est lui. Tonton Manié. Le voilà. Allez, c'est parti. Alors, la première question. Dis-nous tout. Qu'est-ce que les femmes détestent le plus chez l'homme ? 3 réponses. Qu'est-ce que les femmes détestent plus chez l'homme ? 3 réponses. Les poils. Il y a trois réponses. Mais toi, tu joues pas déjà. Oui, toi, tu joues pas. Il y a 3 réponses. Les poils, ouais. Moi, ouais, les poils. Non. Les couilles. Non. Chez un homme. Le prépuce. Non, mais elle est pas si loin que ça. Ça reste des choses. Si je peux participer, mais le compte. Ça reste des choses, des choses normales. Ses cheveux. Le gland. Mais ça reste quelque chose de normal. Les pieds. Non, mais non, c'est des choses normales quand je vais vous dire. La barbe. Non. Une partie du corps ou une attitude. Les cheveux. Bah, ça peut être une qu'il attitude. Ignore. Ça peut être une partie du corps. Ça peut être une attitude. Ouais, les tatouages. L'épée. Qui la met de côté. On va lui donner pour l'épée parce que pour le manque d'hygiène. La première chose que les femmes détestent le plus, c'est le manque d'hygiène. Ça revient un petit peu sur la rubrique de Jojo. Ah oui, il y a d'autres questions aussi qui vont arriver. Ça va vous faire penser à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Le manque d'hygiène est en première position. Reste 2 réponses. Qui l'ignore. Non. Il a mis tout ce temps. Qu'elle aime pas chez l'homme, c'est. Ah, la tromperie. Non. Elle s'en fout de ça. Non, elle trompe aussi alors. Qui lui montre pas son téléphone. Non. Non. Qui lui cache des choses. Non. Qui fasse pas la cuisine. Non. C'est pas la vaisselle. Bon, on va enchaîner parce que j'ai 6 questions. Qui fume une clope après avoir fait l'amour. Donne des indices. Bah écoutez. Qui s'essuie dans les rideaux. Là, la deuxième position, c'est une attitude chez l'homme. Ouais. Qui regarde des filles dans la rue. Non. Un macho. Non. Qui mate les culs dans la rue. Je viens de le dire. Je sais pas, attends. Bon, la deuxième réponse était qu'il soit trop collant. Les femmes détestent que leur mec soit trop collant. Ah bon. Ah bon. Et ah oui. Bon. Et oui. Nouveau ça. Et la troisième réponse, c'est un sacré défaut. Jaloux. Que les femmes trouvent à l'homme. Jaloux, hein. Non, pas jaloux. Tu es trop macho. Menteur. Non, c'est quelque chose que forcément les femmes nous ont déjà toutes dit un jour. Hein. Enfin, pour ceux qui ont c'est des un femmes. Gros con. Gamin. Les immatures. Non. Immatures, ouais. Non. Gamin, je sais pas. Non, bon, je vais dire parce que sinon on va pas y arriver. C'était paresseux. Oh. Eh oui. Oh bon. Les femmes n'aiment pas les paresseux. Oh, t'as eu où ton sondage? Je te demande où t'as tes coups de gueule toi. Bon, la suite alors. La deuxième question, les femmes le font en moyenne après 3 mois de relation. Les femmes le font en moyenne 3 mois après de relation. Non. Non. Le doigt dans le cul. Non. Mais non. Ils se rasent la chatte. Non, j'espère pas. Non, elles le font avant, j'espère. Hein. Ah non, mais c'est la vraie. Elles pètent au lit. Elle pète au lit. Oh, elle pète au lit. Ah, il est fort. Les femmes bonjour, pètent devant leur conjoint après en moyenne 3 mois. Il est content, relation. Il est super d'avoir le God d'or. Pour l'instant, 2 points. Pour l'instant, oui, c'est Geoffrey qui a le God d'or pour l'instant. J'avais dit aussi péter. 3 mois, elles ont menti. Hein. Enfin, c'est un sondage, forcément, elles vont pas dire qu'elles pètent dès le lendemain. Hein. Ça me paraît logique. Pourquoi t'es déjà tombé sur les gens qui pètent, toi? Ah, quand même. C'est humain, mais bon. Ah, ouais, bien sûr. Au début, elles cachent un peu, mais 3 mois, quand même, c'est exagéré. Ouais, bien sûr. Ok, la suite. J'en garde une. La dernière sera vraiment gore, du coup je la garde pour après. Okay. 7 en sont vendus chaque seconde dans le monde. Des capotes. Non. Des godes. Non. Des boules de geisha. Non. Des lubrifiants. Non. Bah, je pense pas que vous avez trouvé. Dentifrice. Non. Bah, donne un indice. C'est pour faire quoi. Des clopes. Ça se vend en plaquettes. Du chocolat. Ah, des pilules. Non. Du Viagra. Bonne réponse. Ah. Du Viagra. Toutes les 7 secondes dans le monde, quelqu'un achète une plaquette de Viagra. On a voulu faire une émission une fois au Viagra, mais on avait bu un peu d'alcool, donc ça n'avait pas marché. Faut y aller quand même. Tous les 7 secondes. Ah bah oui, bah c'est dans le monde aussi. Hein. Vous avez déjà utilisé du Viagra? Il y a beaucoup de vieux. Si, dans la soirée qu'on avait fait. Ouais, je faisais de ma tête. Dans la soirée qu'on vous m'avez fait le Viagra, alors. On essaiera de le faire une fois ici dans la Bretagne, on en mangera 20 heures. Mais faut pas boire d'alcool, ça non, marche non. pas. Non, bon, pas d'alcool la semaine. Bon, j'ai encore 3 questions. Hein. La semaine. Vas-y. Sa taille peut atteindre 2,50 m. L'intestin. Non. C'est une rubrique sexe, hein, pas une rubrique. Les spermatozoïdes d'une mouche. Non. Mais alors, lui, ouais, lui, voilà. Lui il part dans un délire, lui. C'est quoi, tu peux répéter? Sa taille peut atteindre 2,50 m. Bon, j'allais dire ma bite, mais bon, ça marche pas. Oh, du coup. C'est... Oh, j'ai le G d'une femme. Le G d'une. Non. Pour info. C'est un animal. La trompe d'un éléphant. Bite d'un éléphant. Non. Tu fais dans un zoophilie maintenant. C'est une bite, mais pas celle d'un éléphant. De cheval. De la baleine. Oh, bite de baleine. Non, lui, il est exceptionnel. Lui, il est exceptionnel. Il est là, hein. Qui se fait enculer par une bite de baleine. Al, crois-moi, tu as un sérieux concurrent à ma gauche. Je reste sur le concret, tu vois. La bite d'une baleine, je m'en branle. Bah non, mais il a dit un animal. J'ai imaginé tout de suite le plus gros, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus gros qu'une baleine? Un éléphant. Non. Mais tu penses à baleine, mais il y a plein de. Ah ouais, le cheval. Qu'est-ce qu'il y a de plus gros qu'une baleine? Après, imagine-toi la taille du truc. Par contre, on peut en parler demain. Avant-dernière question, avant de passer à la dernière qui est exceptionnelle. Ah. Je ne dis pas ça parce que c'est ma chose qu'on a avant sur la pub. Qu'est-ce qui a été inventé au départ pour des raisons médicales? La capote. Non. Le stérilé. Non. Le lubrifiant. Non. Les pilules. Les pilules. Non. Ah, je sais pas là. Le lubrifiant. Non. C'est quoi? C'est un objet sexuel? C'est un objet. Sexuel? Ah, le god. Bah oui, un god. C'est trop facile. Oh, j'ai un point. C'est un god. Ah oui, elle avait déjà trouvé, mais bon, malheureusement, là, je ne peux pas t'accorder ce point. J'ai un point. Oui, en effet, le god a été inventé donc pour des raisons médicales, puisqu'un massage avec le god à la vulve apaise et soulage les femmes. Dit comme ça. J'ai envie de dire Alicia, t'as un petit massage ou pas? Non, merci. Bon, là, la dernière question, elle part sur de l'intellectuel, mais la fin est très gore. Vous allez voir, c'est bizarre comme question. Ok. Alors, t'écoute. Qu'est-ce que pouvait faire Alfred Kixé, auteur du livre Le Comportement? Il suçait la bite tout seul. Non. S'auto-sucer. Vous n'avez jamais trouvé, mais. S'auto-enculer. Je la trouvais bien cette question parce que ça part sur de la philosophie, et puis pour terminer, quelque chose de sensationnel. Il s'auto-enculer. Non. Il a avalé son coca. Non. Il a avalé son. Tu me dis que c'était gore. Il buvait son sperme. Non. Il buvait son sperme en soi. Et puis il le gardait pour faire des cocktails, ouais. Je sais pas, tu m'as dit que c'était gore à la fin, bon, il doit avoir un truc bien dégueulasse gore à la fin. Bah, c'est pas spécialement gore, mais c'est. Ça passe partout quoi. Ok. Ça passe partout. Ah, il se rentrait des trucs dans son gland. C'est une bonne réponse. Ça, c'est Mais il faut une précision. Il rentrait pas des trucs dans. Il rentrait des trucs dans. Oh non, non, mais en général, ça c'est un. Ça c'est un. Il rentrait du liquide dans son gland. Non, je vais vous donner la. Cacher la drogue dans son gland. En fait, ce célèbre Alfred Kinsey. Ah, le petit Alfred. Pouvait s'enfiler dans son urette une brosse à dents. Ah, ouais. En commençant par le côté poilu en plus. Waouh. C'est pour bien brosser. Oh, ça fait mal à la bite. Parce que les mecs que vous êtes en train d'écouter la radio, vous êtes en train d'imaginer. Le mec qui est traite. J'ai envie de dire pourquoi. Ouais, pourquoi. Je n'ai pas la réponse. Donc, il se la met dans le cul. Bon, je veux bien, mais bon. C'est même pas pourquoi, mais essaye déjà de le faire. Ah non, moi je me suis pas la peine. Je me suis rendu rien qu'à l'imaginer, j'ai pas envie. La seule explication que je peux vous donner, c'est que je ne sais pas pourquoi lui faisait ça, mais j'ai vu. Ah bah il voulait se la laver profondément. En même temps quoi. Que j'ai effectué cette recherche de questions très intellectuelles, que l'urette, contrairement à ce qu'on pourrait penser, s'élargit assez facilement. Ah, mais là, il brosse sa dent, mec, c'est. Ah, faut y aller, quoi. On peut parler d'autre chose. Alex, il en frissonne. Ah, mais je trouve ça dégueulasse. Prochain défi. Déjà, c'est pas conduit de cheminée, le machin. T'as vu une brosse à dents. Déjà, quand on va à l'école, on voit des trucs pour les mecs, les sex shops. Il y a un nain jardin. Un nain jardin quand on se rend dans le cul. Et le gros god, il y a pire aussi ensemble, le gros god black. Non, je suis passé cet après-midi. Pour un truc pour boire un café. Pour boire un café. Qui passe tous les jours pour boire un café. La première fois qu'elle m'y a emmené, il m'a dit quoi? Viens, on va boire un café. Je pensais qu'on allait aller dans un PMU. Non, il m'a ramené dans un sex shop normal. Et j'ai bu un café, effectivement. J'ai bu un café. Et donc

Allez, bonne soirée, le son de Ken John à l'instant en direct hein, jusqu'à 23h. Bienvenue tout le monde. Du lundi au jeudi, 21h-23h. Alex Librantel sur Radio Mixplore. On est là, on bouge pas, bienvenue tout le monde. Everybody. Que ça fait plaisir de vous retrouver évidemment ce lundi soir 21h-23h. Alex Librantel, on est là ensemble, on bouge pas. Il y a toute l'équipe qui est avec nous, il y a Jojo qui est avec nous. Bien sûr. Il y a Tonton Manier qui est avec nous. Oui. Il y a Alison qui est avec nous. Oui. Et puis il y a Geoffrey qui est avec nous. Oui, également. Oui, également. Oui. Voilà, vous l'attendez évidemment forcément 22h-28. On s'est appelé, alors je vais pas vous cacher que c'est pas en direct parce que c'est Quentin qui l'a fait samedi après-midi en préparant son émission pour le samedi, enfin vendredi après-midi pardon, en préparant son émission pour le vendredi soir. On a profité pour appeler Bruno le Pervers. Alors, si vous vous rappelez de Bruno le Pervers, c'était lundi dernier je pense, hein, Bruno le Pervers, ouais. Qui nous a bien fait rire évidemment, ouais. Qui a joué que c'est à mon téléphone. Alors le seul problème, je vais pas vous le cacher, ça va couper d'un coup comme ça. Parce que, comme un con, Quentin, en préparant cette... Qu'est-ce qu'il y a pour lui, On est sur une émission de radio, on n'est pas là pour se parler de... Parce que je vois Jojo en train de discuter. Non, je lui demande si t'as joui, là. Ça va, comme toi, un petit peu, là. Et donc, en fait, ça s'est coupé. Si vous entendez couper comme ça, c'est normal. C'est parce que, comme un con, Quentin, quand il a fait le canular qu'il a enregistré, il a oublié de désactiver son micro, ne serait-ce qu'une seule fois. Et du coup, le mec a capté. Donc, j'ai retiré le moment où le mec il a capté, parce que c'est pas intéressant. Mais voilà, du coup, ce sera notre dernière fois avec Bruno. Mais rassurez-vous, on a déjà quelqu'un d'autre. Ah oui, rassurez-vous, on a déjà quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui manque. Ouais, ouais, bah c'est pour ça qu'on devait appeler Pervers, on devait appeler Eric à 22h30. Bon, j'essaierai peut-être l'appeler après en fin d'émission. Ouais, vas-y. Et bah c'est couille, on se réécoute Bruno, Bruno le Pervers. C'est couille, avec c'est couille, on y va avec ses coucounes. Le Pervers. Ah, c'est, ça, c'est un coucoune. Ouais, c'est une petite surprise, ouais. Alors, on va se rappeler Bruno et ce soir, on lui a dit de faire des petits bruits d'animaux. Restez avec nous en direct, évidemment, jusqu'à 23h. C'est non. Bruno le Pervers. Et dans le casque, c'est horrible. Dans le casque, c'est horrible, t'entends tout. Allô? Oui, Bruno? Oui? Oui, c'est Charlotte, comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va, je te dérange? Non. Non? Non. Oh, excuse-moi, j'ai pas eu trop de temps de te rappeler là dernièrement, j'ai passé 10 examens, c'était vraiment la galère. Sans doute. Donc, tu es chez toi là, je te dérange pas, hein, t'es sûr? Non, bah non, je suis seul. Pardon? Je suis seul chez moi, donc tu me déranges pas. Bon, super. J'avais envie de me détendre un petit peu là, je sais pas si ça te dit ou pas. Oui. Bah si t'es dans ton canapé, pourquoi pas quoi. Bah ouais. Ça te dit? T'es installé? Ah oui, je suis installé. Ouais. Non, ah ouais. Moi je suis dans mon lit là, j'ai fermé tout, tous les rideaux sont fermés, je suis vraiment tranquille. Ouais, comme moi, pas comme vous. Ah, tu t'étais préparé déjà? Bah, juste, quand tu m'as appelé, tu m'as dit ça, bah, j'ai dit la rideau, quoi. D'accord, d'accord. Petit coquin, là. Ah, bah, tu vois, t'es le petit coquin aussi, hein. Ah, bah oui, hein. Il faut. Ah, bah oui. Donc, t'es installé, ça y est? Oui, je suis installé. Super. T'as commencé un petit peu à te frotter? Oui, oui. Oui. Ça peut me caresser les couilles. D'accord. Moi j'ai commencé un petit peu là, je suis la main dans la culotte. La cache ou dans le string? C'est un string. Oh, j'en doute. C'est meilleur en fait, hein. C'est plus léger. Ah bah oui. Puis c'est plus facile à écarter, hein, qu'on veut mettre. Carrément, ouais. Bah là je l'ai retiré, je vais commencer à frotter un petit peu le clito. Bah oui. Faut que tu prennes ton clito hein, pour que ça chauffe un peu, puis que ça s'essaie, hein, que mouille. Bah oui. Hein. Ah bah oui. C'est certain que t'as été ton, j'ai dû être bannière, alors c'est long. J'ai pas compris, excuse-moi. T'as été ton, c'est certain, ils sont bien là, alors c'est long. Ah bah ouais, c'est sûr. Hein. Parce que j'ai envie d'aller chez là. Bon bah ça y est, moi j'ai commencé à me caresser. Ouais, ouais. Bah moi aussi. Ouais. Ah ouais. T'es bien étendu sur ton lit ou sur ton canapé? Ouais, ouais, sur un fauteuil. Moi, je suis bien étendu. T'es sûr qu'il y a personne qui peut rentrer? Ah non, la porte est fermée. Super. T'aurais aimé que je sois avec toi? Hein? T'aurais aimé que je sois avec toi? J'ai pas compris. Est-ce que t'aurais aimé que je sois avec toi? Ah bah oui, j'aimerais aimer que tu sois là. Super. Pour très bientôt, j'espère. Ah bah oui, bah j'espère aussi. Parce que ça repousse deux jours la semaine prochaine, jeudi, vendredi. Ah ouais. Et ah ouais, deux jours complets. Waouh, super. Mm-hmm. Et dis-moi, tu me ferais quoi là si je serais avec toi? Ah bah je commencerais à t'embrasser partout. Partout, partout. Les tétons, ah bah oui. Et chatouiller le clito. Mm. Parce que bah, qui, ça rougit bien, puis qui ça mouille bien, puis qui commence à sortir, qu'est-ce que c'est le laisser. Et moi, je pourrais le prendre dans ma bouche. Ah bah oui. Ouais. Tu pourrais faire que tu voudrais. Ouais. Et je te mettrais un petit oiseau dans le cul. Donc. Ça me paraît pas mal, ça. Ah, si. Hein? Ça me paraît pas mal, ça. Bah ouais. Et t'as commencé à l'agiter, là, ou pas? Ah oui. Ouais, bah là, je vais te dire... Elle est déjà dure. T'auras une bonne saucisse dans la bouche. En plus, j'adore les saucisses. Ah, puis là, c'est une grosse saucisse de tout, juste le volant. Ah ouais, c'est pas une andouillette. Ah ouais. J'aime bien les andouillettes aussi. Ouais, bah t'es prêt à voir ça, si on aura une adresse email, on surveillera les poteaux. Ah ouais. Et je peux prendre tes coucougnettes? Ah ouais, tu prends tout. Comme deux boules de glace. Ah ouais, je te les laisse. Ah. Et puis et moi, je me sers. Et ta bite, hein? C'est le cornet, c'est ça? Ah ouais, tu prends tout. J'aime bien le cornet. Moi, je me... Ouais. J'aime bien les cornets. Ouais. C'est un bon cornet, je vais te dire. J'ai pas compris. C'est un bon cornet. C'est un bon cornet de glace. Ah ouais. Que t'aurais. Ah ouais. Dis-moi, tu peux accélérer un petit peu, là. Je commence à me chauffer. Ouais. Ah ouais, c'était chaud, là. Ah ouais. Je commence à être chaude. Ah ouais, bah. T'as qu'à imaginer qu'on est ensemble, que, ça... que je t'ai écarté ton son, ça va te laisser la faute. Ah ouais, vas-y. Avec le bout de ma langue, je suis en train de sucer juste le bout du tout. Ah, trop bon. Puis je te mets une petite oreille en même temps. Et j'ai déjà commencé à me mettre un doigt, là. Hein? J'ai déjà commencé à me mettre un doigt. Ah ouais, ouais. Ça va finir par mettre 3 euros, tu verras. Ah bah ouais, ça va finir à 5, je pense. Ah ouais, bah 5, là tu vas rentrer ta main dedans. Puis après, je finirai que le poing et puis le bras entier, je pense aussi. Hein. Non mais c'est vrai, hein, faut se faire plaisir avant de rentrer chez les parents, quoi. Ah bah oui. Allez, accélère un petit peu, moi j'ai commencé à mettre 2 doigts, là. Ah bah moi, je suis en train de faire monter, descendre. Chauffe-moi un petit peu, là, pour que je mouille encore plus. Ah, tu t'imagines que là, c'est moi qui suis avec toi, je suis derrière toi, tu sens ma queue entre tes deux cuisses, que je te rentre 2 doigts dans la sarte, que je te roule les grosses galoches. Ça me paraît pas mal, tout ça. J'avale ta langue, et je vois que t'es temps, que j'ai pu durcir. Si t'avales ma langue, si t'avales ma langue, je pourrais plus parler. Hein? Je dis, si t'avales ma langue, je pourrais plus parler. Ouais. Vas-y, c'est bon, encore un petit peu. Je te laisse le string. Je te mets 3 doigts dans la chatte. Ah ouais. Je te mets ma queue juste devant ton petit trou du cul. Et tu dis que c'est bon, tu es. T'as envie de faire pénétrer. Par contre, un petit problème. Oui. Évite derrière. Oh, d'accord. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais. Ça fait un petit peu mal. Bah, pourquoi y raccrocher? Oui. Oui, Bruno? Ouais. Oui, c'est Charlotte. Excuse-moi, ça a coupé, j'avais plus de réseau du tout. Ouais, m'en doute, chez quelqu'un, le réseau. Parce que je me suis demandé pourquoi ça avait raccroché et bizarrement, j'ai plus rien entendu, quoi. Excuse-moi. Pardon. Donc, t'en étais où? Que je te laissais. Ouais. Ah, parce que moi, je suis resté tout nu, du coup, toute nue. Et Et voilà, quoi. Donc là, j'ai commencé à. Dès que je t'ai rappelé, je commençais à me doigter un petit peu pour être sûr de revenir où on en était, quoi. Tu peux continuer à me chauffer un petit peu pour Ah ouais. Je mouille encore un petit peu plus. Oui. Ouais. Ouais. Tu peux la faire grandir encore plus, hein. Ah ouais. Bah, t'es en train d'imaginer qu'avec moi, que je suis en train de t'embrasser partout, que je te caresse à ça, que je te rentre déjà 2 doigts dedans, que je fais mal bien. Ouais. Et tu peux accélérer un petit peu? Ouais. Puis après, je te mets 3 doigts, puis après, je te prends le vrai. D'accord. Vas-y. Tu cries, tu jouis, tu aimes ça. Tu peux accélérer encore un peu plus. Oui. Si t'es pressé. Vas-y. Vas-y, je te défonce à fond. Avec ma grosse cul. Ah oui. Tu aimes ça. Prends-moi levrette. Ah, je te prends levrette. Je te défonce à fond levrette. Ah ouais. Corps. Et tu aimes ça. Et oh oui, j'aime ça. Et encore plus fort. Tu cries encore plus fort, plus fort. Tu jouis en plus. Et tu aimes ça. Et tu veux que je prenne ta bouche, tout ça, tu me laisses jusqu'à la dernière goutte, tu arrêtes tout. Ah ouais. Fais-moi tes bruits d'animaux. Ça m'excite. S'il te plaît. Allô? Ouais, je suis là, t'écoute. Oui. Je disais, j'ai un petit fantasme aussi, c'est qu'on fasse des bruits d'animaux, si tu peux. Juste pour m'exciter encore plus. Oui, vas-y. Dans les toits. Eh ben... Fais des bruits d'animaux. Oh. Des bruits d'animaux. Ah, bah, je sais pas lui faire des bruits d'animaux. Bah, le chien, je sais pas, fait quelque chose. Miaou. Miaou. Ah ouais. Ouf. Encore. Fais le chien excité. Vas-y, hein? Le chien excité. Encore, s'il te plaît. Oh, j'accélère là. J'ai trois doigts. Vas-y. Vas-y, accélère. Ah oh, ouais. Pas plus. Encore, toi aussi, vas-y. Oh. Oui, vas-y, vite. Je te défonce à fond. Ah, vas-y. Tu aimes ma grosse queue, je te rends tout. Défonce-moi. Défonce-moi encore. Je te tire par les épaules pour te défoncer plus fort que tu es rentré dedans. J'ai mis 5 doigts là. 5 doigts. Ah oui, tu cries, t'es joué à moi. Ah, vas-y. Oui, tu aimes ça, t'as fait jouer. Fais des bruits d'animaux en même temps. Ah ouais, mais c'est lui, je connais pas les bruits d'animaux. Bah, fais le chien, tu le faisais bien tout à l'heure. Ouf. Vas-y. Et voilà, c'est fini comme ça. Pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mine. Eh, énorme ce soir, ouais. Ce pervers. Eh, vous avez fait pleurer de rire, Joujou, ouais, ce soir. Ouais. Et en plus, on reçoit des messages en même temps, tu sais, entre deux. Donc, ouais. Y a Ben qui nous écoute là. Et ben, Ben, tu veux savoir ce qu'il nous a envoyé comme message? Ouais. Il m'a envoyé. Parle devant le micro. Je joue avec tes tétons pour les faire durcir. MDR. Ah, c'est ce qui ouais, j'adore ça, lui. Message, ouais. Ah, énorme le pervers, Bruno. Bah, c'était l'une des dernières fois où vous allez l'entendre parce que malheureusement, comme vous avez pu entendre tout à l'heure, en début d'émission, Quentin s'est fait capter sur l'enregistrement. Du coup, j'ai coupé après montage, mais on l'entend pas. Mais sinon, le mec il a pété un plomb. Mais sinon, voilà. Il a pas... Mais méchant, hein, le pétage de plomb. Après avoir fait ça, il a pas répondu. En fait, il t'a un peu gêné, le mec. Ça, après avoir fait ça, si tu veux être méchant, je sais pas si ça passe. C'est crédible. Voilà, là. Non, mais en fait, je sais pas s'il a capté que c'était une radio. Mais en fait, pour être aussi simple, c'est que Quentin prend le micro, etc. Et en fait, on désactive le micro. À chaque fois que, parce que vous imaginez même pas que Quentin se tape des barres quand il fait ça. Ah ouais, il y a un fou rire. Quand il fait ça, surtout quand il a fait coucougne. Mais quand il a dit ça, Quentin se tape des barres et moi je suis là en studio avec lui. Et quand il a fait le fais-moi des bruits de chien, au moment où vous entendez le dernier bruit de chien, en fait, et ben Quentin a oublié de désactiver son micro, il a fait putain, le chien il est vachement malade. Avec sa voix grave. Et du coup, ça fait putain, le chien est vachement malade. Et en fait, il a oublié d'éteindre son micro ce qu'on a. Et en fait, le gars il a dit, mais c'est qui a dit ça? Et en fait, du coup, il était gêné. Et en fait, là, c'est parti. Et puis après, du coup, on a dû couper, quoi. Mais bon, voilà, on peut quand même applaudir Quentin qui a géré. Quand même. Il est pas dans le studio avec nous ce soir. Bravo. Il sera là demain ou mercredi, Quentin. Mais en tout cas, il a vachement géré. Voilà, en tout cas, c'était les pervers ce soir. En direct, évidemment, ça reviendra dès mercredi ou dès jeudi, les pervers. Là. 22h41 en direct, évidemment. On fait chialer derrière, c'est con. On est ensemble jusqu'à 23h. Merci d'être avec nous. On se fait Lost Frequencies. J'adore ce son. Beautiful Life. Bonne soirée, en tout cas. Merci d'être avec nous. On est là jusqu'à 23h. Alex Libre. Antenne. Merci. Anywhere you wanna go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow.

éternellement insatisfait. À suivre. Allez, bonne soirée, le son de Black M à l'instant, en direct jusqu'à 23h. Welcome tout le monde. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Librantel sur Radio Mix Floor. Merci de passer la soirée avec nous, ça fait grave plaisir. Everybody! On est là ensemble, en tout cas énorme, c'est pervers ce soir. En tout cas, merci à Quentin là, qui nous écoute en plus ce soir, notre Quentin national. En tout cas, merci, il m'a dit ça va être difficile de faire mieux, mais si, on trouvera mieux, bien sûr. On va essayer de rappeler un pervers, j'ai eu un numéro cet après-midi, soit un pervers, je vais essayer de le rappeler tout à l'heure. Enfin, on dépassera un petit peu. Ah non, on peut pas trop dépasser ce soir, c'est vrai, il y a 23h, il y a Rapid Dance avec Willy. Bah oui. Il y a Tonton Manier qui est avec nous en direct. Oui. Il y a Jo qui est avec oui. nous. Et puis Alison. Oui. Et puis il y a Jojo bah oui. qui est avec nous. Et tout de suite, notre vie de merde avec Geoffrey, on t'écoute. Alors aujourd'hui j'ai fait une petite compilation, je suis tombé sur le top 10 de tout ce qui a été classé depuis le temps que le site Vinmerde existe en fait. C'est les meilleurs posts. Okay. Si tu t'en fous, je le dis. Hein. Mais vas-y, on s'en fout on pas. Tout faire, je suis en train de voir pour Rapid Dance. Merde. Donc bah, vous allez interagir hein, parce que lui il est occupé, tant pis on va faire sans lui. Hein. Mais je suis là. Excuse-moi. Je suis là. Alors le premier, bon c'est un classique mais bon... Le mec il dit aujourd'hui j'ai 45 ans, je suis toujours puceau. Donc ça on en connaît tous. Ah bah ouais. Ouais, ouais même 45 ouais. ans, même moins, même plus. Voilà, ouais. le deuxième, c'est un gars qui dit qu'après de longs examens de santé, il découvre qu'il était stérile. Donc quand il rentre chez lui, il commence à se poser la question, puis il veut savoir pourquoi, avec sa femme, il a lui annoncé qu'ils attendaient le troisième gosse, quoi. Ah ouais. Ça c'est vraiment une vie de merde. Là c'est vraiment la vie de merde. Ah ça c'est dégueulasse. Et c'est les vrais trucs qui arrivent ça. Ouais, c'est vraiment des vrais posts. Après c'est une femme qui raconte qu'elle a reçu deux SMS de son mari. Donc le premier à 9h au matin. Ah, ouais, pas mal. En disant ouais toi tu t'étais là quand mais vous fait. Êtes tout le temps ensemble. Normal, ouais, j'allais dire. Ouais. Donc elle reçoit le premier SMS de son mari qui lui dit bon écoute les chéris ce soir je serai pas là, j'ai beaucoup de boulot, ne m'attends pas. 5 minutes après, elle reçoit un deuxième SMS en disant ouais, c'est bon, bah, soir on va se voir, j'ai trop envie de te voir, il y a longtemps que j'entends ce moment-là. De toute façon, pour ma femme, c'est bon, c'est réglé, elle m'attend pas, elle croit que j'ai du boulot. Ah ouais. Oh là là. D'accord, ok. Ah, il s'est fait capter. Ça sent la coucherie, mais il s'est grillé tout seul. Piégé sur son propre voilà, au lieu de l'envoyer à sa maîtresse, il l'a envoyé à sa femme. Quoi. Ouais, ça peut arriver souvent, ça, l'envoi des SMS. Ouais, voilà, t'es tellement hop dans le truc, hop, et puis là. Ah ouais. J'espère qu'il a pris bien cher. Ok. Ouais, en tout cas. La suite. Donc après c'est un gars qui a été dans son chez lui il a une fosse septique et elle a été bouchée donc il a appelé les spécialistes qui viennent débouchiottes quoi. monsieur débouchiottes voilà j'imagine donc, bien Jojo un déboucheur donc, bonjour chef du débouché quoi il les emmène dans le jardin à la fosse septique il ouvre la fosse septique et puis là ça commence à déborder et il découvre une marée de capotes quoi. Puis le mec après. Ouais. Donc, mais après. Il jetait les capotes dans les chiottes en voilà, fait. Ouais, mais après, le mec il était pas d'accord parce qu'il a posté que bah, lui avec sa femme il utilisait pas de capote. Bah alors. C'est qui jetait ses capotes. Bah alors, c'est elle. Bah, voilà, elle venait avec son. Quand il était pas là, elle venait avec son amant. Et puis, voilà, puis elle jetait les capotes dans les chiottes. Puis bah, à force, ça a fait dégueuler la fosse sceptique. Ah ouais, j'avoue que c'est un petit info qui peut. Pour éviter pour les gens qui trompent leur femme. Voilà, ne jetez pas vos capotes dans les toilettes. Bah ouais, parce que c'est vrai que c'est pas con. Un semi-broyeur. Ouais, tu disais. Je disais, nous, ça nous était arrivé ça, enfin pas avec des capotes, mais. De faire des t'as fait déborder une fosse sceptique. Ouais, bah rappelle-toi. Ouais, ça sentait bon. Ah ouais, tu t'en rappelles non, mais ça, tout le monde a déjà. Ouais, enfin, comme ça nous à l'époque, que ça. Ah, nous, c'était en fait, c'était dans une petite cour, à un endroit où on bossait, on avait fait un truc à deux, et. Les 50 en fait, cm quoi. Ouais, il y avait 50 cm d'eau, en fait, c'était une piscine de merde. non, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai ça pue la merde, le truc de ouf. Attends, moi j'avais du courage pour les mecs qui sont venus quand même, parce que le mec il a trempé sa main, imagine, il avait la main jusque là en fait. Il avait tout ça plein de merde. Il y en a qui font ça dans le cul des vaches aussi. Hein. C'est le même type de, bah, de travail. Ouais, c'est transition du cul à vache à la vie de merde avec Jo. On t'écoute. Ouais. Ensuite, c'est une fille qui a avoué à son père qu'elle était lesbienne. Puis son père, il lui a dit bah, ça m'étonne pas, hein, parce que toutes les lesbiennes elles sont moches. Oh. Ça, c'est méchant. C'est méchant. Wow. Toutes ouais, les lesbiennes non, sont moches. C'est pas vrai en plus. Jojo, t'en connais toi? Ouais, ils sont pas tous moches. Voilà. Lesbiennes? Non, ils sont pas moches. Je sais pas, j'en connais pas. Ah non, il y a des lesbiennes qui sont belotes quoi. C'est des gens comme tout le temps. Mais bon, après, de toute façon, c'est pas la beauté physique qui bien compte. Bien sûr. Hein. Non. C'est la même beauté un petit du peu, cul, quand même. Ouais. Manier, il est pas contre ça quoi. Manier, regarde le cul. Bah non, mais faut être honnête, ok. C'est une fille intelligente, ok, mais. Bah ça se voit pas tout de suite, mais. Avant toute chose, que tu rencontres une fille en boîte de nuit, tu vas pas aller lui parler de Shakespeare quoi. Ouais. Si elle te plaît pas physiquement, tu vas pas chercher à y aller. Après, je pense qu'il faut être honnête à un moment. Ouais. Ouais. Oh bah c'est bien dit ça. Ouais, c'est magnifique qu'ils sont bien. Merci Jojo. C'est bien dit, c'est poétique. La suite. Merci. Donc c'est un homme qui a préparé un anniversaire surprise pour sa copine. Hein. Donc il a invité tout le monde à l'appartement. Puis il savait à quelle heure elle rentrait, donc il a fait tout le monde taisez-vous machin. Puis au moment où il entend la clé de la porte dans la serrure, c'était elle qui rentrait. Puis elle était accompagnée. Puis il l'a entendu derrière la porte dire t'inquiète pas, de toute façon ce connard il a oublié mon anniversaire. Il m'a dit que ce soir il allait. Oh la salope. Il partait avec ses potes faire une soirée foot. Mais en fait la soirée foot c'était le prétexte dire je suis pas là. On l'a peu connu. Pour préparer l'anniversaire surprise quoi. Ouais, t'as un truc à péter à plomb. Donc en fait le mec il a découvert devant tout le monde et devant la famille et les amis qu'il était cocu quoi. Ah, wow. Là, c'est bien. Là, comme c'est... quoi on critique les hommes, mais depuis tout à l'heure on parle de tromper de voilà, dans l'autre sens. Quoi. Moi en soirée, j'ai déjà animé une soirée, un petit truc que je connais en plus les gens, mais bon, je m'en fous du coup pas la radio. Mais en pleine soirée, je vous jure que c'est vrai en plus, il m'a dit bah tu peux mettre la musique et tout. C'était il y a quoi, il y a 4-5 ans. Et c'était dans un truc, il y avait la famille et tout. Et en fait, il a demandé en mariage sa copine et elle a refusé. Ouais, ça fait bon. Devant tout le monde. Hein? Devant tout le monde comme ça. Ouais, il y avait quoi, une vingtaine de personnes, il y avait ses parents et tout. Alors du coup, en fait, il a demandé la main de la main à ses parents. Donc ses parents, ils étaient émus, ils ont pleuré et tout ça. Et c'est vrai, c'est devant moi, c'était pas une connerie, c'est moi qui avais fait la sono, genre. Et ils avaient pleuré, etc. Et en fait, elle a dit non, mais je suis pas d'accord. Et rassure-moi, t'as eu ton cachet quand même. Oui, non, mais c'était son anniversaire en fait. Ah, oui, pas une... Mais comment t'enchaînes là-dessus après... alors hein ouais, comment t'enchaînes là-dessus voilà, c'est fini. J'ai mis Boris disco. D-I-S-O. Vaut mieux envoyer ça que voilà, c'est fini. Non, bah après, il était un peu gêné là. Je suis allé dans la cour, je sais plus ce qui s'est passé. Bon, j'étais un peu bourré. Enfin, moi, c'était une soirée un petit peu arrosée. Ouais, une petite dernière. Allez, une petite dernière. C'est un gars qui va chez sa mère. S'il a besoin de l'internet et puis il va retrouver. Je dirais, mais tonton, il est sous ta gueule depuis tout à l'heure. C'est pas vrai, c'est parce qu'on a un jeu de regard tous les deux. On se connaît depuis des années. Il fait des jeux de regard. Donc il va chez sa mère pour consulter l'historique de la navigation. Je l'ai vu. Il se fout de ta gueule. Quel espèce de menteur. Bon, okay. Dommage qu'on n'a pas encore la vidéo ici. Non. Attends, vas-y. Donc il veut retrouver ce qu'il a vu sur l'ordinateur. Donc il fouille l'historique. Ouais. De navigation et il se rend compte que sa mère publie des photos d'elle sur un site porno. Et bah c'est bien. Ah ouais, effectivement. Ouais. Ça pourrait être un secret pour secret story. La transition sera bonne parce que je vais quand même essayer d'appeler le pervers en direct. Oui, je peux faire une dédicace. Pervers Eric, hein ? Je peux faire une dédicace pendant que tu fais le numéro. Bah vas-y, non, c'est bon, le numéro que j'ai composé. Et il y a, il y a Mathieu. Ah oui, pardon, il y a Mathieu qui nous envoie un message et qui nous écoute, c'est en train de jouer au poker. Alors on leur fait des gros coucou, ils ont dit ça. Alors une petite dédicace pour eux. Bah c'est bien. Avec moi je fais une dédicace à la BNC. Je l'ai pas fini. Ah pardon, excuse-moi. BNC. Par contre, tu vas descendre la banque. BNC. Tu vas descendre un étage, toi, parce que tu vas prendre un pied bouche. Ouais, juste après. Allez, vas-y. Voilà, ben non, mais c'est bon. Ah, c'était pas fini. Voilà. Tu casses, écoute. Et moi j'ai une petite dédicace pour Ragondin et Pantoufles. Bah bravo. Ragondin et Pantoufles. Oh les nous aussi. Dédicace à Ragondin et Pantoufles. Vous avez pas de dédicace, profitez. Ah ouais si. Vas-y. À ce merde. Parce que le système de dédicace n'est pas encore mis à la radio. On a plein de messages, mais malheureusement. À mon petit Roro qui nous a écouté ce soir. Roro, il s'appelle Romain. Ouais. Super. Et moi je fais une petite dédicace à Dorothée qui nous écoute depuis la Nouvelle-Calédonie. Dorothée. Depuis la Nouvelle-Calédonie. Elle est en train d'animer la Nouvelle-Calédonie. Elle est en train d'animer les Power Rangers sur TF1. Non. Avec Bernard Minet. Attends, il faut la concentration parce que maintenant je vais appeler Eric. Ah ouais. J'ai eu son numéro ce matin sur Coco. Sur Coco. Ah mais lui, sa vie. En ce moment, il a vraiment une vie de merde, lui. Franchement, c'est vraiment de faire. Mais c'est toi qui vas l'écrire pas, ma rubrique. C'est pas que je me maintenant. Fais chier, c'est pas que je me fais chier. Je suis obligé de les avoir, c'est pervers, c'est pas tous les avoir à l'antenne. Il faut finir en asile, c'est le compliqué. Mec. Bon, désolé, Willy, hein, ton mix sera un peu décalé. Bon, je vais essayer de. Déjà, Svensé répond. Tu le feras la parce que c'est pas Charlotte, c'est Fanny. Salut, c'est Fanny. Attends, je coupe vos micros, bande de cons, parce que vous allez rigoler. Attends, c'est parti, on dirait. Je vais essayer d'appeler. Il s'appelle comment, Eric? Ça se trouve, il va me capter, je l'ai pas encore appelé. Depuis tout à l'heure, donc. Enfin, depuis ce matin, je l'ai jamais appelé ce mec. Il a une grosse bite, c'est tout ce qu'il m'a dit. C'est tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait une grosse bite. Attends, j'espère qu'il va répondre. Attends. Bon, j'espère que ça. Si ça sonne. C'est parce que je parle le standard, il fait galop. Mais il répond pas. Allô? Allô? Ok, bon, on n'entend rien. Bon, c'est pas grave. Bon, ce sera une prochaine fois. Ce sera merci en tout cas pour ce bide. On en direct. Attends, je vais mettre un peu de musique pour le faire de transition. Hein, je suis français. Super le canular ce soir. Non mais voilà, en tout cas 22h59 ça me laisse le temps. Mais c'est pas grave, Quentin qui nous écoute, je te laisserai volontiers la parole pour lui. Voilà, en tout cas merci de nous avoir suivis ce soir 23h tout pile. Ça va être l'heure de retrouver comme chaque lundi soir Rapid Dance avec notre ami Willy. On se rejoint évidemment dès demain, même heure, 21h-23h en direct avec toute l'équipe. Il y a merci Toto Magnier, merci Geoffrey, merci Alison, merci Jojo. Un petit mot des dernières dédicaces, profitez, il nous reste une minute. Merci. Bisous. Moi j'en ai une, c'est Kevin qui fait le bonjour à tout le monde. Et puis Kevin RD. Ah ouais, ah ouais. Bonjour à tout le monde. Ouais. Et puis, il nous a fait bonjour, il nous a vu tout à l'heure. Dans les couloirs. Dans les couloirs, il nous a vu tout à l'heure. Ouais, mais, à demain. Parce que moi je reçois là demain. Ah, t'étais là demain. Je suis là okay, demain. Ok, bah demain il va remettre son gode d'or en jeu. Voilà. Putain, voilà. Je suis pas là. Pour l'instant, c'est. Pour l'instant, c'est Al. C'est Al. D'accord. C'est Al avec deux victoires à une face à Ben. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Jo. Non mais je dis qu'elle va se calmer la nouvelle. Oh, c'est moi le best, hein. Tu te calmes, ça va pas. En plus elle a pas de sein. Attends, après il va te détrôner. Elle eh oh, a pas de sein. Mais tu fais combien du sein en fait en bonnet? Tu fais combien du sein? C'est pas logique ce que tu viens de dire. C'est pareil, on s'est compris. Tu fais combien du sein en bonnet? Toi, faut que t'arrêtes les appels pervers, hein, ça te monte à la tête. Hein. Non, bah non, ouais, carrément. Alors, gros, chaque fois, c'est pour moi. Je vois que des bites à longueur de journée, donc je me rassure avec une fille. Ah, maintenant, il est con à rayon. Non, mais attends, moi je vais savoir combien le met en soutien. Il en aura bientôt plus tout que Jojo. Lui, c'est tout sur le zizi, lui. Le petit, le grand. Mais je vais te faire déléguer mon travail de pervers parce que j'en peux plus. Jojo, tu peux pas faire tout ton gars. On doit avoir quelques auditeurs qui sont. Mais on pourrait pas faire la version Guy avec Jojo? Ouais, ça serait super. Ça serait super. Ah ouais, ouais, ah, mais si tu veux, ouais, bah, ça serait plus facile. Et pourquoi faire, on le ferait pas avec toi, avec toi, avec toi, pardon. J'ai mon casque. Non, bah, parce que toi, tu maîtrises un peu plus le sujet, quoi. Sans te manquer de respect, quoi. Mais... Ah, parce que maintenant, on a le droit de regarder ça à l'antenne. Non, pas du tout. Ah, d'accord, attends. Parce que en fait, il y a que moi qui sont. Il y a que moi qui sont. Il y a que moi qui se font empaler quand je traite Jojo de PD. Non, mais là, c'est bon, ouais. J'ai jamais moi, dit ça. Moi, PD plutôt me faire enculer. Allez, je peux du tout. Bon allez, bonne soirée, on s'en rejoint dès demain 21h. Je t'attends en bas. Attends longtemps, ouais. Clochard. Allez, tout de suite, Rapid Dance avec Willy. Ciao, ciao et à demain, ciao. Salut. Bisous, salut. Ciao. Du lundi au jeudi, 21h, 23h. Alex Librantel sur Radio Mix Floor. Attention, préparez-vous. Tout de suite. Rapid Dance. Avec Willy. Ce serait dommage de louper ça. Live. Mix live. Rapid Dance. Avec Willy, Radio Mix Floor. If I'm looking at you in the eyes, then you better run. Never talk shit. If I wanted, I'd just get it done. Anybody sending me a threat, but it never come. You'll be knocking at the front door with an intercom. You could have your whole city there. I'm like, bring it on. I feel the change in the atmosphere. I'm amazed at the way that you act so scared. I'm afraid that I have no fear. I'm the one to watch, you gotta know right now. I'm a underdog, I'm a way back up. Yeah, I love the talk, I'm reclaiming that crown that I fucking lost. Back, bring it up. Back. 100% continu, 100% mix. But don't push me. avec Willy.